Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bollywood versus, joyeux anniversaire. Ça y est, c'est l'anniversaire? Oui, c'est l'anniversaire. C'est les 4 ans? Ah, ça grandit tellement vite. Et du coup, on fait enfin une FAQ? Voilà, il était temps. Et bah, dans ces cas-là, j'ai envie de dire... Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Cette vanne a été faite trop de fois par de trop nombreuses personnes. Ça suffit. Il est temps de passer à autre chose. Jamais. Je ne passerai jamais à autre chose. Je te le dirai à chaque fois qu'on doit se parler. Oh non. Bon, alors du coup, c'est parti. On est sur une FAQ. Avant de commencer, on va donc faire des petits remerciements. Tout d'abord, vous remercier d'être là, de nous écouter, pour certaines personnes depuis maintenant 4 ans, pour d'autres un petit peu moins. On a posé la question sur les réseaux pour savoir ça faisait depuis combien de temps que vous nous suiviez. C'est assez réparti, donc c'est plutôt cool. On a des petits nouveaux, on a des plus anciens, et bah voilà, en fait, il faut quand même qu'on vous remercie, parce que globalement, vous êtes une communauté ultra sympa, qui aimait bien échanger avec nous, et ça nous fait trop plaisir. Vous savez, on a déjà eu l'occasion d'échanger avec d'autres podcasteurs et podcastrices, et vraiment le plus difficile là-dedans, c'est de pas avoir de retour, c'est de vraiment se dire, bah on fait des épisodes, mais on sait pas comment c'est réceptionné, et nous on a la chance de vraiment pouvoir parler avec vous, et assez régulièrement, d'avoir des gens qui sont très fidèles dans les échanges, et ça fait tellement plaisir, et surtout vous nous avez pas laissé seuls avec des questions. Oui, rien que pour ça, merci beaucoup, vraiment. Ça fait très plaisir. Ouais, c'était notre inquiétude, on vous l'avait dit en plus dans l'épisode de Harishandrachi Factory, c'est que qu'on se retrouve avec vraiment pas de questions et qu'on soit un peu comme des neuneux à faire une FAQ avec nos propres questions, ce qui aurait été dramatique. Et au final, vous nous en avez donné plein, donc on a vraiment de quoi faire. Donc voilà, merci beaucoup. Et d'ailleurs, Mélanie, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de FAQ avant ? Parce qu'on pensait que ça n'intéresserait personne et que justement personne ne nous poserait de questions. Ouais, c'est tout à fait vrai. Tout simplement. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que des fois les gens lancent des FAQ et tu te dis bah on s'en fout un peu. Est-ce que toi t'aimes bien les FAQ ? Bah en général, je pose jamais de questions, mais je regarde les questions des autres personnes et je me dis ah ouais c'est intéressant ça comme question et tout ça, mais je sais pas, j'ose pas. Parce que, en fait, toutes les personnes que je peux suivre, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, j'ai jamais de contact direct avec ces personnes. Alors que là, toutes les personnes qui nous ont posé des questions, la plupart du temps, c'est des gens avec qui on a déjà échangé avant, avec qui il y a un certain dialogue. Donc, c'est peut-être plus facile aussi. Ouais, c'est vrai que vous allez le découvrir, on va sûrement vous en parler après. Mais en fait, on suit beaucoup de contenu, nous aussi, et notamment de podcasts, mais on est de très mauvaises auditrices. On est vraiment celles qui écoutons et qui ne faisons aucun retour, aucun don, aucun suivi sur Patreon et compagnie. Vraiment, les meufs qui n'interviennent jamais, qui ne parlent pas. Et après, toi, quand t'es de l'autre côté, en même temps, ah, j'aimerais bien que les gens viennent nous parler pour nous donner leur avis, alors que nous-mêmes, on le fait pas du tout. Oui. On n'est pas un bon exemple. C'est pour ça qu'on ne juge pas, du coup, les gens qui ne font rien, parce qu'en fait, on fait aussi partie de la team qui ne faisons rien. Enfin, moi, au départ, pareil, avant de lancer le podcast, les réseaux sociaux, ça me saoulait un peu, je suivais pas tellement, et donc je suivais même pas les contenus. Donc, de se dire qu'on a une partie de la communauté, parce que vous êtes quand même largement plus nombreux que ce que l'on a en abonnés sur Instagram ou sur Twitter, c'est une bonne partie qui est silencieuse, et en fait, moi, je faisais partie de cette masse-là aussi. Donc, en fait, je comprends totalement que vous soyez pas tous là à nous suivre assidûment, quoi. Voilà. Mais en tout cas, merci encore, même si vous ne nous laissez pas forcément de commentaires, que vous ne suivez pas forcément sur les réseaux, on vous remercie vraiment infiniment de votre écoute. C'est vrai que quand on a commencé le podcast il y a 4 ans, on ne pensait pas tenir aussi longtemps. Ah mais non, mais ça, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Ouh, je spoil. je fais le trailer. Et moi, les FAQ, j'avoue que j'aime bien, parce que c'est le moment où je me dis, j'espère qu'il y a un peu de croustillant et un petit peu de drama. un petit peu de coulisses, tout ça, parce que quand c'est un peu juste de la technique, tout ça, tu fais ok, très bien, c'est sympa de connaître les coulisses, mais en vrai, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un petit peu des infos, un peu croustillantes? Ah, si, si, si. Mais on Et adore le Mélanie, est-ce qu'on drama. va donner un petit peu d'infos croustillantes? Peut-être. Peut-être pas. Faut écouter. Faut écouter, voilà. Ouais, donc voilà. Et un dernier merci, c'est à Marie qui nous suit très fidèlement depuis longtemps avec sa famille et qui de nouveau nous a fait un petit cadeau. Voilà, elle nous a envoyé un petit bouquin et donc je tenais quand même à la remercier encore une fois parce que c'est vraiment très sympa de sa part. Et c'est vrai que là aussi, on n'a jamais demandé de contribution financière ni rien, c'est pas du tout dans notre état d'esprit. Mais voilà, si jamais, un peu comme Marie, des fois vous vous dites ah, j'aimerais bien contribuer à ma manière. Au podcast, bah déjà juste repartager ce qu'on fait, c'est vraiment cool. Nous, ça nous aide beaucoup et ça nous fait plaisir. Un message, ça nous fait plaisir. Et puis si un jour vous voulez, je sais pas, envoyer un truc, bah vous nous dites, on se tient au courant et puis voilà. Ouais, merci encore Marie, c'est vraiment adorable. Après, si vous, la communauté qui nous suit, voulez participer financièrement, bah écoutez, je viens de faire réparer la durite de ma voiture, ça m'amuserait. Si vous aviez 200 balles à lâcher, truc qui a rien à voir avec le podcast, tu sais. Ouais, c'est pour ma bagnole. C'est ça la réalité du monde du podcast. On détourne l'argent Voilà. pour construire des piscines et réparer des bagnoles. Pour construire des piscines. Non, pour des gens qui ont plus de. Ouais, alors non, on n'en est pas à ce point-là. Non, non, Ah non, nous on est une toute petite communauté, on est de niche, de niche. Voilà, ma voiture, c'est pas une Mercedes non plus, hein, voilà, c'est une Opel Corsa, donc voilà, hein. On reste simple, hein. Alors pour cet épisode donc de FAQ, on va la diviser en trois parties parce que finalement vos questions ont permis de dégager trois grandes thématiques. Il y aura un premier temps où on va surtout parler un petit peu de nous, qui on est, notre vie, notre œuvre, etc. Une deuxième partie qui est plus orientée sur le podcast, mais vraiment quelque chose d'un peu plus sur la technique, la mise en place, etc. Et une dernière partie qui sera plus consacrée vraiment au cinéma en tant que tel, cinéma indien en tant que tel, avec ce qu'on aime, ce qu'on déteste, nos tops, nos flops, etc. Mélanie, je te propose qu'on démarre tout de suite avec la première partie qui est le Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Eh bien, c'est parti. Mais alors, peut-être que vous vous êtes posé la question. Depuis combien de temps Julie et moi nous connaissons-nous? Depuis des temps immémoriaux. Ah, ça va, j'ai cru que t'allais dire depuis trop longtemps. Oh non! Eh ben ça fait depuis presque 20 ans, voilà, Oh la vache! sachez-le. Eh ouais, ça fait presque 20 ans, d'ici peu, et effectivement, vous l'avez déjà dit, mais on s'est connus en fait au lycée, en seconde, et voyez, ça tient à pas grand-chose, parce que si Mélanie n'avait pas redoublé, je ne serais jamais rentrée dans sa vie. Elle n'aurait jamais connu Charouk, rendez-vous compte! Oh mon Ça, c'est le plus Dieu. grave. Et voilà, du coup, si des fois, bah, vous arrive des trucs un peu comme ça, et vous dites, putain, fais chier, c'est nul de redoubler. Ne balisez pas, peut-être que c'est pour rencontrer une personne importante dans votre vie. Oh, c'est trop mignon. Mais ouais, donc voilà, c'est bien de redoubler des fois. Enfin, c'est pas ce que me disaient mes parents à l'époque, mais... J'imagine si t'avais un don de voyance, je dirais, mais enfin, papa, maman, c'est pour rencontrer quelqu'un avec qui je vais lancer un podcast sur Charouk. C'est quoi, Charouk? Qu'est-ce que tu racontes, Mélanie? Putain, va dans ta chambre tout de suite. Mais ouais, voilà, heureusement que j'avais pas très bien travaillé pendant ma première année de seconde. Ouais, comme quoi vraiment ça tient à pas grand-chose. Et donc puisque du coup on était au lycée, bah, allons-y sur un petit peu notre parcours. Mélanie, c'est quoi notre parcours académique? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme métier? Est-ce qu'on est des grosses fraudes pour parler de cinéma? Telle est la question. Oh, sans doute un peu. Non, mais déjà, moi, je tiens à dire que si on parle du parcours académique, sachez qu'après, Julie, elle a fait S et moi, j'ai fait L. Et pourtant, ça, notre amitié a résisté face à ça, hein. Donc, je Alors, trouve vu que que c'est ça beau. n'existe plus, je pense qu'il faut que Ah bon? tu Ah développes. oui, Ah c'est bah non, vrai. ça n'existe. Ah Ah, oui, la c'est vrai vieille que a ça n'existe parlé. plus. Attendez, ça n'existe plus. Ah, mais j'oublie que ça n'existe plus, pourtant j'ai. Tu sais, on dirait comme nos parents quand ils disaient, moi j'ai fait un bac C. Tu fais, c'est quoi un bac C? Bah, S c'est scientifique et L c'est littéraire, voilà. Et donc il y avait, à l'époque de notre temps, il y avait une petite rivalité entre les S et les L, et pourtant, notre amitié a résisté à ça, et je trouve que c'est beau. Et ensuite, moi, pour ma part, je me suis dirigée vers des études d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai fait un master en égyptologie ensuite. Et en gros, enfin, ça a été un petit peu le chaos, ma vingtaine, entre les études et le chômage. Donc, pour résumer maintenant, je travaille dans la médiation culturelle. Est-ce que tu es donc bien la preuve que la filière littéraire où tout le monde disait bah, « vous serez au chômage », c'était un petit peu vrai quand même. Enfin, on sait que c'était une filière compliquée et bouchée, et que réussir à faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est la galère, quoi. Ouais, mais après, en vrai, ça, je trouve que dire « ah là là, faut faire S, ça va t'ouvrir plein de débouchés, faut pas que tu fasses L, tu vas être au chômage », c'est tellement simpliste, parce qu'en fait, tu peux très bien faire S et te retrouver au chômage, et faire L, et ensuite, après ton bac, te diriger dans une autre voie qui va t'ouvrir d'autres portes aussi, quoi, donc bon. Non, mais on est d'accord, de la même manière que ça veut rien dire de forcément faire un bac général, et tu peux très bien t'en sortir, voire même mieux, bah, avec ouais. un bac techno ou un bac pro. En fait, ça dépend de ce que tu fais derrière. Et de toute façon, je vois pas l'intérêt de quelqu'un qui a envie de faire de la philo pendant 8 heures, d'aller le foutre dans des maths pour faire des intégrales et des équations. Enfin, je veux dire, à moins que tu veuilles le pousser au suicide, je vois pas l'intérêt. Ah oui, les maths. Sachez d'ailleurs que Julie, lorsque nous étions en seconde, donc dans la même classe, me filait de temps en temps ses devoirs de maths pour que je les recopie, puisque je ne comprenais rien. Et que je lui avais dit, Julie, tu as ma reconnaissance éternelle. Et voilà. Et c'est ainsi que, en fait, Mélanie est kidnappée depuis des années, ne peut pas se défaire de mon emprise toxique, et voilà, en fait, a une dette éternelle... Et c'est pour ça qu'elle est dans ce podcast, c'est tout. Et voilà, exactement. Alors pour ma part, effectivement, je suis partie en filière calculatrice. Hein. C'est la filière scientifique, j'avais pris une option chimie parce que c'était un peu mon kiff. Même si pendant un moment, je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je savais que je kiffais les sciences et la chimie. Et en même temps, j'adorais tout ce qui était créatif. Et quand même, il y avait une petite piste cinéma, parce que Mélanie, je t'ai entraînée dans des tonnes et des tonnes de vidéos. Oh là là, oui, oh mon Dieu. J'entraînais toutes mes amies là-dedans et j'adorais tourner des trucs, tourner des sketchs, faire du montage. Voilà, et j'ai jamais en fait arrêté. Et du coup, à une période, je me suis même dit, est-ce que j'irais pas en école de cinéma pour faire ça? Pas que j'étais spécialement cinéphile, mais juste j'adorais filmer des trucs, monter des trucs. Et il a fallu faire un choix, donc je suis partie plutôt du côté scientifique de la force en me disant, c'est pas grave, tout ce qui est vidéo, tout ça, ça restera un kiff. Je me rappelle donc, d'ailleurs. C'est aussi certaine... pour ça que Mélanie a une reconnaissance éternelle, c'est parce que j'ai du dossier, les gars, du dossier. Oh, j'en ai aussi. Tu te rappelles pas d'une certaine vidéo avec une certaine personne sur une certaine thématique Bien sûr que si. Qui touche Allez, au podcast. Non, on peut le dire. On peut le dire. Oui, j'ai fait une vidéo avec une pote en mode romance avec des acteurs indiens, plus précisément avec Shahid et avec Hrithik. Ah, c'est de l'or en barre. Vous savez, vraiment, c'est l'époque où on faisait en mode AMV. Donc, du coup, on avait écrit un scénario en mode romance sur une des musiques. Je crois que c'est la musique du film Fashion, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc, cette chose existe. Vous ne la verrez jamais, mais elle existe. Oh, après, moi, je peux vous la donner. Hein. Je crois que je l'ai dans mes tiroirs. Contre 200 balles pour la bagnole. Voilà, c'est ça. Et donc après ça, je suis partie en classe prépa, voilà, aux grandes écoles, où du coup je suis restée dans la filière physique-chimie, je suis partie en école d'ingé, pour être ingé chimiste, où j'ai bougé dans, enfin j'ai vécu dans deux villes différentes. Après je suis partie vivre dans une troisième ville pour faire ma fameuse thèse, où sur la dernière année on a lancé le podcast, et oh là là, il s'en est passé des choses sur cette année de lancement de podcast. Et puis, donc j'ai été diplômée, donc je suis docteur en chimie des matériaux, et depuis je travaille, je ne vous dirai pas où ni sur quoi, mais je travaille sur des grandes thématiques d'ampleur nationale, voilà, qui... Waouh. Qui ont beaucoup d'impact sur vous-même, sur la société, etc., etc., qui sont très médiatiques, et voilà, c'est très cool. Mais comment elle se la pète, la meuf? Ah oui, j'en profite parce que, écoutez, venant d'une famille où personne n'a jamais eu le bac, je suis très fière d'en être où j'en suis, voilà. Mais en vrai, meuf, t'as un doctorat en physique-chimie, donc oui, tu peux être fière de toi. Ah. Franchement, elle est pas trop badass, ma petite Julie, quand même. Attends. Oh. Hey, oh. Mais moi aussi, je suis très fière de toi. Oh, merci. Ah. Ensuite, on nous demande... Alors, là, c'était Chabédé qui nous a demandé ça. Suivez-la, d'ailleurs. Elle fait des choses très, très bien. Dernièrement, oui. On a de nouveau eu le droit à ces petites cartes où elle illustre tous les films indiens qu'elle voit. Et puis, il faut deviner ce qu'il y a dedans. J'aime bien. Ouais, ça fait très chasse au trésor. J'adore ça. On adore ce qu'elle fait. Elle a fait un magnifique poster sur Triple R, voilà, prenez-le, c'est topissime. Et sur le même type de question, on a eu Quatrième de Couve, pareil, podcastrice, j'adore écouter ce qu'elles font. Elle parle de littérature, donc allez les écouter, c'est très très chouette. Mmh. Et elle nous demande, est-ce qu'on est déjà parti en Inde ou est-ce qu'on pense y aller un jour et est-ce qu'on peut les emmener dans nos bagages? Eh bien non, nous ne sommes jamais partis en Inde, malheureusement, c'est un de nos projets. D'y aller ensemble, mais bien sûr qu'on vous emmène en fait. On fait une expédition entre meufs, ce serait trop cool. Ouais, bah en vrai, Asma et Elodie de Voyenko nous ont demandé si on partirait pas toutes les quatre ensemble, et j'avoue, on est un peu sur le sujet, on y réfléchit sur peut-être partir dans 2 ans ensemble, mais bah écoutez, la réalité des choses, c'est aussi qu'il faut de la money pour partir, donc il faut de la moula. Donc voilà, ça, jusqu'ici on n'a pas eu l'opportunité d'y aller, mais effectivement ce serait un rêve, ce serait génial. Où exactement? Franchement, le pays est tellement grand que ça donne envie de... Enfin, c'est difficile de choisir, il faut se dire est-ce que je vais plutôt dans le nord, est-ce que je vais plutôt dans le sud. Mais ouais, c'est sûr que ça nous plairait vraiment d'y aller. De ouf. Alors, question suivante, bah, c'est pareil, on a regroupé d'autres, des questions de 4ème de Couvre le podcast et de Horto 17. Est-ce que vous avez le temps de voir d'autres films que des films indiens? C'est quoi votre rapport au cinéma non indien? Est-ce que vous avez seulement le temps de regarder des films américains, français, etc.? J'imagine que vos visionnages indiens sont très chronophages. Alors, est-ce qu'on a le temps de voir d'autres films que des films indiens? Bah, la réponse est oui. Est-ce qu'on a une vie en dehors du podcast? Alors oui, en fait, déjà il faut savoir que notre vie ne tourne pas autour du podcast, encore heureux. Même si beaucoup, hein. Oui, beaucoup, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais oui, on a le temps de voir d'autres films et des séries qui sont européens ou américains. Pour ma part, bah, j'ai aucun problème avec le cinéma non indien, hein. Voilà, après oui, on a donc ouais, effectivement on a le temps de regarder ces films là mais faut préciser une chose là-dessus, c'est que Julie est quelqu'un de beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus cinéphile que moi, et ça a toujours été, même avant qu'on commence le podcast, Julie regarde beaucoup plus de séries et beaucoup plus de films que moi. Et du coup, toi, je pense que tu as le temps de regarder beaucoup de choses en dehors du cinéma indien aussi, parce que tu adores ça. Il faut dire que toi, c'est parce que tu es aussi très grande lectrice. Oui. Et moi, j'ai perdu ça avec le temps. Je joue beaucoup à la console aussi, donc forcément... C'est vrai, tu es une petite gameuse. Eh oui. Non, c'est vrai, mais oui, heureusement, on a quand même une vie en dehors du cinéma indien, et effectivement, selon la définition Twitter, je ne suis pas une cinéphile, puisque bon, je ne connais pas de très grands classiques américains, tout simplement parce que j'ai pas été éduquée à ça, ou que ça ne m'intéresse pas spécialement. Attention, je sens des petits cœurs de cinéphiles se briser, mais en soi, la cinéphilie, c'est vraiment... avoir une culture de tout. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est facile de dire je me sens cinéphile si en fait le gars a jamais regardé un seul film indien. J'ai envie de te dire à quel moment t'es cinéphile si t'es pas capable de sortir de ton prisme du cinéma américain. Mais effectivement, j'aime regarder beaucoup de séries, beaucoup de films, et puis même juste du contenu média, YouTube, un peu comme tout le monde, hein, on en consomme beaucoup, absolument comme tout le monde. De la TV réalité, j'aime bien ça aussi. Après, franchement, je regarde de tout. Du cinéma américain et des séries américaines, évidemment, parce qu'on est abreuvé de ça, mais effectivement, j'ai aussi beaucoup élargi ma culture du cinéma français, que je trouve vraiment bon et audacieux quand il s'y met. En fait, le problème, c'est que le cinéma français est mal présenté, je trouve, au public. Et effectivement, quand tu vas jamais au ciné, t'as un peu envie de dire « Ah, c'est toujours la même chose, c'est des comédies beaufs, nanana. » Et en fait, les gens passent un peu à côté de sacrées bonnes pépites parce que manque un petit peu de... En fait, on ne les aide pas à développer leur cinéphilie là-dessus ou à changer leur regard dessus parce que aussi la TV ne va pas dans ce sens-là spécialement non plus. Donc, j'accuse pas les gens, j'accuse vraiment un problème plus de com. Mais ouais, je regarde de tout. Mon dernier énorme coup de cœur, c'est un film italien. J'en avais déjà parlé quand on avait fait l'épisode sur Tombad. Et bah, c'est Freaks Out que j'ai revu et que j'adore. Je le trouve fantastique ce film. Après, bah, des fois, de temps en temps, voilà, j'avais parlé de mon dernier coup de cœur pour le Pakistan, c'était Joyland. Mais après, il y a toujours un peu des lacunes parce que, on va le redire, mais le cinéma indien est énorme, plus le cinéma américain, plus le cinéma français. C'est très difficile, du coup, de vraiment réussir à bien piocher ce qu'il y a dans les autres cinémas, notamment le cinéma asiatique. Je suis sûre qu'il y a plein de choses cool du côté de la Corée et du Japon, mais j'ai pas le temps de m'y mettre et j'ai pas de gens qui peuvent me référencer là-dessus. Je me dis que du côté de l'Amérique latine aussi, il y a sûrement des choses qui sont chouettes, mais on n'est pas au courant, on n'a pas d'ouverture dessus. Moi, je me souviens que j'avais adoré la série brésilienne qui s'appelle 3%. Voilà, il y a plein de choses, mais effectivement, oui, quand même, on a le temps. Et puis ça repose aussi, parce que mine de rien, même si on regarde du cinéma indien, on le regarde aussi pour le podcast, donc on prend des notes. C'est pas toujours, c'est un peu fatigant de le faire aussi. Donc des fois, se dire tiens, je me prends juste un film et je le regarde tel quel, tranquillou, et je ne réfléchis pas à tiens, est-ce que ça irait dans un épisode, qu'est-ce que je peux en dire, c'est quoi le contexte. C'est pas mal aussi. Oui, parce que mine de rien, c'est vrai que même si on va prendre un film pour le podcast et qu'on va bien l'aimer, bah on va pas en profiter autant que si on n'avait pas pris de notes. Et ouais, des fois, tu te dis, allez, ce soir, je regarde un film et je me prends pas la tête avec le podcast. Je regarde juste pour le plaisir. C'est vrai que ça fait du bien et ça repose et tu profites encore plus de ton visionnage. Parce qu'en fait, moi, j'avais une amie qui m'avait posé la question. Bah, c'était Sophie, donc coucou Sophie, qui m'avait dit, mais du coup, quand vous faites un épisode, est-ce que vous regardez le film plusieurs fois avant d'enregistrer l'épisode? Je dis, bah, non. Ah ouais, alors surtout si c'est pour se taper un film de Randbeer, je te raconte pas. Non, mais... Voilà, est-ce que t'as regardé Animal 5 fois avant de faire un épisode? Jamais de la vie. Parce qu'elle me dit, ouais, mais peut-être que vous manquez des trucs au premier visionnage. Je dis, ben non, mais on prend des notes, donc on met sur pause des faux aussi. Mais voilà, il y a des films bah, comme Animal. Ça veut dire le regarder deux fois en peu de temps, tu vois, avant de l'enregistrer. Non, non, non, mais moi, mes nerfs, ils ne tiendraient pas. Non, non, non, non, non. Après, où j'ai un avantage, c'est que effectivement, comme je consomme énormément de films et de séries, il y a souvent des films où je les ai déjà vus, gardés de côté en mémoire, et on les fait beaucoup plus tard, et donc moi j'ai déjà eu une première sensation devant, ce qui n'est pas forcément ton cas, puisque des fois c'est moi qui aiguille le choix des films, et dans ces cas-là, toi t'es vraiment sur une première découverte, alors que moi j'en suis sur une deuxième. Voilà, il faut savoir que Julie est ma testeuse personnelle, hein. Et je la remercie parce que des fois elle se sacrifie. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est l'avantage que qu'on a, c'est que toi, vu que t'en consommes beaucoup, bah tu peux, comme tu dis, c'est bien que tu puisses orienter le choix aussi, c'est pratique et je t'en remercie. Mais de rien. Bon, est-ce que du coup on a d'autres passions que le cinéma indien? Bon, on l'a un peu dit, mais est-ce que t'as d'autres passions à avouer? Avouer, ça fait bizarre. Avouer. Ouh, avoue-nous tout. Avoue-nous tes passions secrètes. Mélanie, bah... passion secrète. Et bah, tu l'as dit tout à l'heure, je lis beaucoup. J'aime beaucoup lire. Voilà, moi, ça me détend. C'est mon petit plaisir du soir, voilà, de temps en temps. Après, bah, des fois, après une petite session sur la Xbox, je me cale dans mon lit, je lis un petit peu, ça me fait du bien, ça me détend. Bah, je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi. De toute façon, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, mais Assassin's Creed, c'est toute ma vie, quoi, voilà. J'adore ces jeux, Plague Tale aussi. Enfin bref, j'adore jouer aux jeux vidéo aussi, ça me détend, ça me fait du bien. Bah, j'adore l'histoire aussi, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait mes études et mon job actuellement. J'adore faire des visites de musées et surtout de sites historiques et archéologiques. Et sachez que j'ai une passion secrète, ou pas, pour les abbayes. Voilà, j'adore visiter des abbayes. J'ai cru que t'allais dire pour Charouk, mais... Ah oui, aussi, mais c'est pas pareil. Une passion qui n'est pas secrète pour Charouk. Non, c'est pas un secret. Non, mais j'adore visiter des abbayes et surtout être dans le cloître d'une abbaye me fait beaucoup de bien. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Alors, je suis athée, mais alors j'adore visiter des abbayes. Voilà, c'était ma passion secrète. D'accord. Mes autres passions que le cinéma indien ou le cinéma tout court, c'est tout ce qui est créatif. Je suis pas monomaniaque, donc j'ai pas de loisirs créatifs spécifiques, mais je suis vraiment touche à tout et j'adore créer des trucs. Donc à l'époque, déjà, c'était effectivement toutes les vidéos, mais après, moi je suis la dame qui va dans les ateliers poterie, les ateliers mosaïque, vitrail. Je décore mon bureau à chaque saison, donc à chaque fois mes collègues rentrent dans le bureau, ils font « Alors, c'est quoi la nouvelle déco en papier des Julie ?» Et voilà, et du coup, je fais des origamis, je fais des trucs et des machins, et ouais, j'adore ça, ça me vide la tête, je trouve ça cool. Et voilà, tout ce qui est créatif. Fallait pas s'attendre de notre part à ce qu'on ait une passion sport quelque part. Hein. Ça, c'est mort. Mais voilà, et du coup, comme j'aime bien tout ce qui est créatif et artistique, ça se ressent aussi dans ce que je regarde. Donc j'adore regarder toutes les franchises de Drag Race, parce que le drag, je trouve ça incroyable, je trouve ça fabuleux, c'est archi, c'est beau, voilà, c'est de la création, c'est du textile, c'est hyper intéressant, et puis voilà, et puis j'aime regarder des trucs de danse, tout ça, enfin... Voilà, c'est inattendu pour la scientifique. Non, parce que tu sais, il y a vraiment ce cliché de... En plus, j'ai vraiment des gros cheveux, donc ça fait vraiment genre la scientifique avec ses cheveux. Gros cheveux. Ces gros cheveux farfelus, tu sais, on se dirait, tiens, c'est la scientifique super... En fait, Julie, c'est Doc dans Retour vers le futur, voilà. Avec mais c'est un peu vrai. Mais tu sais, à l'époque, quand il y avait le dessin animé... Avant et après, t'avais Doc qui à chaque fois le vrai, enfin l'acteur qui faisait genre des petites expériences scientifiques. C'était mon moment favori. Non, ça te parle pas. Attends, il y a eu un dessin animé Retour vers le futur. Oh, tu connais pas le dessin animé? Pardon? Attends, je regarde. Non, mais attends, d'où ça sort? Non, mais attends. Il y avait un dessin animé et à chaque fois, à la fin, il faisait des expériences scientifiques et notamment des expériences de chimie. Et je crois que déjà à l'époque, du coup, j'avais une vocation qui était devant moi et j'adorais regarder ça. Mais comme j'adorais regarder Fred et Jamy avec ses pas sorciers. Ah oui, moi aussi. Et donc voilà, je pense que ma vocation vient de là. Donc. Voilà, ça devait être lui mon exemple, l'espèce de scientifique un peu foufou. Et du coup, je suis devenue une scientifique un peu fofolle. D'accord. Et, ah si, allez, petite anecdote aussi, j'y pense notamment à cause des filles de 4e de couve, parce que je sais qu'elles font du cosplay. Et j'ai eu une petite période cosplay, voilà, sachez-le. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien le drag, c'est parce que moi aussi, j'ai mis des collants sur la tête pour ensuite mettre des perruques, grâce à une copine, en fait, qui adorait le cosplay et qui faisait les costumes et tout, ensuite elle est devenue couturière. Et donc j'ai eu cette petite période aussi, un petit peu cosplay, tout ça. Donc voilà, c'est... Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fini cette première partie et on va pouvoir attaquer la partie un peu plus podcast. Récemment, je me suis mise à écouter des podcasts audio. Alors oui, je sais, ça existe depuis des années, mais en tant que boomer, je découvre les choses en décalé. Et on commence avec une question de Lapinouille. Quel a été votre premier contact avec le cinéma indien? Et alors là, pour une question de logique, je vais te laisser répondre en premier. Ah bah oui. Eh bien, forcément. Je vous l'ai dit, c'était effectivement au lycée avec la mi-commune qu'on a eue avec Mélanie. Et ce qui est fantastique, c'est que dans cette découverte, Mélanie était présente, mais elle ne se souvient absolument pas de l'événement. Alors ça, c'est incroyable. T'es sûre que j'étais là? Je suis absolument sûre que tu étais là. Je me souviens exactement de ce jour. Alors, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast qui est celui de Junior dans le film qui a changé ma vie. Donc, si jamais, vous pouvez aller écouter cet épisode-là aussi. Et donc, sans surprise, c'était effectivement Devdas. Donc, Devdas est sorti en 2002, mais moi, je l'ai découvert plutôt vers 2007-2008. Oh, je pense que c'était un peu après même, non? Peut-être, non. Ouais, maxi 2009 parce que c'était au ouais, lycée. Ouais, je pense. Et donc, on a une amie commune, on va chez elle, et je sais pas comment, elle est tombée dans le cinéma indien, et elle nous dit, attendez, il faut que je vous montre une scène, et elle décide de nous montrer la dernière scène de Devdas, le climax absolu, en nous disant, regardez, c'est incroyable, donc elle nous spoil totalement le film. Mais donc, Mélanie... Ce qui est bien, c'est que moi, j'avais oublié, donc du coup, quand j'ai vu Devdas pour la première fois, j'avais pas de spoil, du coup. Bah ouais, mais t'as vu ça, genre, 15 ans après, 10 ans après. Et donc, je vois cette scène, et alors, vous allez être surpris, j'ai dit « Oh, j'adore la musique !» Ah, et, c'est incroyable. Et donc, je surprise. Vois la scène, je suis emportée par la musique, et là, je me dis, oh, mais maintenant, il faut que je voie le film en entier. Et donc, elle me passe le DVD de Devdas, et c'est ainsi que tout a commencé. C'est en étant en admiration devant Devdas. Et comme cette pote, justement, elle aussi était déjà dans le trip, donc ça nous a pas mal rapprochés, on allait ensemble dans les boutiques, chercher les DVD, c'est elle, du coup, qui m'approvisionnait. Et donc, je pense que le deuxième que j'ai vu, c'est La Famille Indienne. Après, j'ai vu Bunty or Babli, Fana, enfin voilà, tous ceux de cette période-là, et c'est comme ça que j'ai démarré, donc c'est avec Devdas. Et toi, Mélanie, alors du coup, comment ça s'est passé ? Alors, donc effectivement, tu l'as dit, donc ça remonte à un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque, vous étiez toutes les deux dans votre trip de cinéma indien. Moi, j'étais en mode, putain, vous me faites chier avec votre cinéma indien. J'en avais rien à faire, ça m'intéressait absolument pas. Alors, j'étais jeune, hein, je devais avoir 18-19 ans, hein, voilà, donc ne jugez pas. Et donc, quand Julie s'est remise dedans, et donc, en fait, quasiment tous les soirs, elle regardait un film indie. Et quasiment tous les soirs, elle me disait « Ah, je sais pas encore ce que je vais regarder ce soir, je vais peut-être regarder ci ou ça. » Et alors, tu sais quoi, toi quand tu connais rien, et que t'en as rien à faire, et que tu reçois ça tous les soirs, au bout d'un moment, t'es en mode « Vas-y, elle me saoule avec ce cinéma indien et tout. » Et donc Julie, qui est très insistante, hein, bravo le consentement, donc effectivement me travaillait au corps, me disait « Ah mais si, essaye de tenter tout ça, t'as essayé de m'appâter une première fois avec Charouk et je t'ai répondu que je le trouvais moche. » En février 2019, je m'en souviens encore, j'ai accepté. Je lui dis « Ok, j'accepte de regarder un film indien. » Et donc, elle m'a conseillé Tugs of Hindostan. C'est la base. C'est le film que je conseille toujours en premier. J'ai chopé Jeannette comme ça aussi. Donc, Tugs of Hindostan, qui était d'ailleurs notre tout premier épisode. Eh oui, eh oui. Et je lui ai dit, ouais, bon, ça va, c'est pas mal, ça va, c'était plutôt sympa. Ensuite, plus rien pendant quelques mois. Et au mois de juin de la même année 2019, je vais passer un week-end chez Julie, qui habitait à Poitiers à l'époque. Et alors ce week-end-là, on s'était maté plusieurs comédies musicales. On s'était maté Cindy, dès le premier soir, je crois, de mon arrivée. On avait regardé Le Roi Arthur, on avait regardé le début de Spartacus, et on avait regardé un Bollywood. On a regardé, attention, un chef-d'œuvre du 7e art. On a regardé Houseful 3 et ça m'avait fait rire. Je t'ai chopé sur la beaufitude. Oui. J'ai attaqué dans un autre angle. Et avec la chanson I Don't Know What To Do qu'on retrouve dans Houseful 1, mais c'est une autre histoire qu'on Notez raconte. Notez bien cette anecdote, elle sera utilisée plus tard. Non, on raconte cette anecdote d'ailleurs dans notre épisode sur Houseful. Et j'ai dit, ok, ouais, ça va, c'est rigolo et tout ça. Et là, Julie s'est dit, putain, il faut que je m'engouffre dans la brèche. Et elle m'a remontré un petit peu Charouk. Elle a très bien choisi, puisqu'elle m'a mis le début d'Happy New Year. Donc, quand Charouk se bat dans la boue, torse poil et tout en muscles. Et avec sa barbe. Du coup, moi, je me suis dit, cet homme possède un certain charisme indéniable. Effectivement. Il a l'air talentueux. Il a l'air très très talentueux. Il a l'air très sympathique. Voilà. Mais j'aimerais en découvrir plus. Voilà. Alors... ça c'était. Je le savais après. Il fallait que j'enclenche les hormones de Mélanie. Ça c'est non, la deuxième mais étape. Pas ça comme ça. On dirait que je suis une obsédée sexuelle. Et du coup. Attendez. Arrêtez de mentir. On démarre tous un film ou une série qu'on ne connaît pas parce qu'on trouve un acteur ou une actrice BG et qu'on a envie de fantasmer dessus. Ne mentez pas, c'est un peu ce qui guide au départ. Oui, et après tu te retrouves à regarder des films merdiques juste parce que ton crush joue dedans. Voilà. Pedro Pascal, merci pour The Bubble et d'autres merdes que j'ai regardées juste parce que tu étais dedans. Bref. Et donc le week-end se termine, je rentre chez moi Et en fait, Julie m'avait fait une liste, même créé un espèce de site web, de blog, avec des recommandations de films. Et t'avais fait ça pour Jeannette aussi, et pour d'autres de tes potes. Et donc, tu me l'avais partagé également. C'est vraiment le début d'une stratégie de gourou de secte. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand on y pense, c'est vraiment le début d'un endoctrinement. Ça va, elle m'a pas demandé d'argent après. Ça va. Et là, je m'y suis lancée. Donc, j'ai regardé Happy New Year. J'ai regardé Home Chantillome. Je sais plus ce que j'ai regardé après. Probablement Raes. Je sais plus trop. D'autres films avec Akshay Kumar aussi. Et donc, j'ai découvert Shah Rukh. Et surtout, j'ai découvert Deepika. Et j'étais en mode, waouh, elle est trop belle. Et alors, je me souviens que quand j'ai regardé Home Chantillome, je t'avais dit, waouh, ouais, la fille qui joue avec Shah Rukh, elle est trop belle. Et tu m'as dit, bah oui, c'est Deepika, tu l'as déjà vue dans Happy New Year. Et j'étais, ah bon, c'est la même. Mélanie Physionomiste, jour 1, vraiment. Voilà. Et donc, au début, je regardais surtout un petit peu des comédies. Ah si, j'avais regardé Jabari Metzejal, toujours avec Shah Rukh et avec Anushka Sharma. Et donc, au début, je regardais surtout un petit peu des comédies romantiques avec Shah Rukh et des films un peu comiques avec Akshay Kumar, qui étaient mes deux seules références dans le cinéma indie, ce qui est un peu triste. Mélanie, il fallait quand même se développer ailleurs. Donc, petit à petit, j'ai commencé à regarder d'autres films, un peu plus peut-être drama, puis je suis tombée sur un certain Sanjay Leela Bhansali, un certain Karan Johar, voilà. Ah oui, et du coup, y avait aussi Pseudo en cyrillique qui nous demandait quel est le film qui vous a introduit au cinéma indien. Bon, du coup, on y a... juste un truc, son pseudo, c'est pas pseudo en cyrillique, c'est que vraiment son pseudo est en cyrillique, donc je savais pas comment ça se prononçait. Tu te reconnaîtras, j'espère. Bref, qui nous demandait quel est le film qui vous a introduit au cinéma indien. Bon, du coup, on y a répondu. Devdas pour Julie, Tax of Hindustan pour moi. Qu'est-ce qui vous a fait aimer Shah Rukh Khan. Et pour toi, la musique, apparemment. Ouais, la musique et puis la grandiosité effectivement de Bhansali. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà dit, hein, mais ma came absolue, c'est vraiment les films historiques, même si c'est dans le cinéma indien ce qu'il y a de mieux pour faire de la propagande. Mais globalement, même dans le cinéma tout court, j'adore ça parce que j'adore l'histoire aussi et je trouve que c'est toujours des très bonnes portes d'entrée pour ensuite faire des recherches et voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc forcément, tu me mets un film... avec un décor, une ambiance historique, avec des palais, avec des tenues à tomber par terre, mais c'est bon, je suis vendu direct. Donc, Devdas, en 2 secondes, j'étais à fond dedans, c'est sûr. Ouais. Alors, on enchaîne avec... je sais pas si on continue avec tous les pseudos, mais... mais si, avec Sam Christopher Nolan, won 2 Oscars, qui nous demande pourquoi avoir choisi le cinéma indie dans tous les cinémas indiens. Alors, je vais y aller, et c'est assez simple, parce que Shah Rukh fait du cinéma indie, et que c'était notre grosse porte d'entrée, et que c'était le cinéma le plus facile d'accès, parce que faut se dire qu'aujourd'hui on a accès à du streaming, mais à l'époque, les amis, c'est qu'il fallait aller dans les quartiers de Gare du Nord pour aller choper des DVD piratés, et qu'il n'y avait globalement que le cinéma indie qui était en fait vendu. Mm-hmm. Donc la porte d'entrée, c'est obligé, c'est la plus grosse industrie, c'est celle du cinéma indie. Et aujourd'hui, même si de temps en temps on va aussi piocher dans les autres industries quand ça nous intéresse, quand il y a un thème, voilà, ou quand il y en a un qui fonctionne plutôt bien, ou quand c'est... parce que c'est historique et que c'est cool, comme on a fait dans le dernier épisode avec Harishchandrachi Factory, on y va quand même. Mais globalement, on se restreint sur le cinéma indie parce que c'est aussi celui qu'on connaît le mieux, et que rien qu'en tant que tel, c'est une industrie qui produit énormément. C'est déjà très difficile de suivre ne serait-ce que toutes les productions en indie, si en plus on commence à se rajouter le tamoul, le malayalam, le Canada, le telugu, etc., on va jamais s'en sortir, c'est beaucoup trop intense. Donc il fallait absolument qu'on se restreigne à un type de cinéma en particulier, donc c'est celui-ci, c'est celui qu'on maîtrise le mieux, donc on laisse les autres en parler, et notamment les copines, hein, qui elles sont plus calées que nous sur le sujet. De temps en temps, voilà, on va piocher, mais sinon, il fallait absolument qu'on se restreigne à un type de film, et c'est celui-là. Et bah moi, j'ai suivi Julie dans cette voie-là, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il existait plusieurs cinémas indiens. Ensuite, ah Mélanie, je vais te laisser parler un petit peu de choses croustillantes. Parlons un petit peu de l'origine du podcast, sa création, sa genèse. Comment en est-on arrivé à lancer un podcast ? Ah là là là là. Eh bien, tout a commencé au mois d'août 2019, donc environ 2 mois après ma découverte du cinéma indien. J'avais déjà vu plusieurs films. Et en fait, Julie et moi, il y a plusieurs podcasts qu'on aime beaucoup, notamment le formidable 2 heures de perdu. Et en fait, on s'était tapé un petit peu des barres en disant « Ah, ce serait trop drôle que nous aussi on fasse un podcast sur le cinéma indien !» Mais pas pour le public. Non, que pour nous à la base. Et en fait, on avait enregistré 3 épisodes chez moi, très tard, un soir. On était toutes les deux et en fait, on s'était tapé des grosses barres, on racontait n'importe quoi et on lui avait donné un nom. On l'avait appelé I Don't Know What To Dardy Disco. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on suit également un autre podcast qui s'appelle Les Rois du Monde et Stone et qui est un podcast sur les comédies musicales parce qu'on adore les comédies musicales aussi, hein, vous le savez sans doute. Et en fait, le nom complet de ce podcast, donc Les Rois du Monde et Stone, Je cherche le soleil au milieu de la nuit, en fait, c'est une très longue phrase, mais qui est un assemblage de plusieurs phrases de chansons de différentes comédies musicales. Et nous, on voulait un petit peu un titre qui sonnait pareil. Donc, on avait pris 2 chansons, I Don't Know What To Do de Houseful 1 et Dardy Disco de Home Shanty Home. Et ça a donné I Don't Know What To Dardy Disco. Et pourquoi ces 2 chansons-là ? Alors si, je vais enchaîner parce que, en fait, c'était les 2 chansons sur lesquelles on tripait à l'époque. Dardé Disco, parce que Charouk... Avez-vous vu le clip de Dardé Disco ? Et à un moment, What To Do, parce que ça nous faisait hurler de rire, parce que c'est un clip un peu lunaire où Akshay Kumar se fait fouetter le cul par une nana en sous-vêtements avec un martinet et on l'a encore en tête. Oh, I don't know what to do. I don't know what to do. Bref. Et en fait, c'est-à-dire qu'on s'était dit, on se fait une soirée comme ça, et on improvise presque quasiment un podcast pour un public imaginaire, sachant que l'idée, c'était vraiment pas de faire quelque chose de public, c'était en fait de se taper une barre, et surtout que moi, j'ai des choses à écouter, parce que j'habitais à des centaines de kilomètres de là, je prenais énormément le train, et je me suis dit, bah attends, pour passer mes heures, ce serait trop marrant que je réécoute, en fait, nos conneries. Et on a enregistré comme ça à peu près 7 épisodes. Alors déjà, dès le début, c'était très long. Hein. Le plus court fait 1 heure, le plus long fait 1 heure et demie. Mais le but, c'était de me faire passer un bon moment dans le train. Le son est pourrave, le truc est éclaté au sol. Et il a un nom complètement accouché dehors. Mais peu importe, le but, c'était de se taper une barre. Et c'est vrai qu'on avait enregistré les 3 premiers épisodes en l'espace d'une nuit. On s'est couché vers 3h du matin. Et d'ailleurs, je vous mettrai un petit extrait. Oh mon Dieu ! Non ! Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode du podcast I Don't Know What To Dardé Disco ! Nous ne sommes plus le 24 ! Bonne année ! Nous sommes le 25 et il est 1h04 du matin. Voilà. Mais on a beaucoup mangé, on a mangé trop de sucre, on est très en forme, voilà. On est au taquet. Super, j'ai la tête dans le cul, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, mais j'ai envie de continuer. Ouais, et il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus vite. Allez hop, reste. Si on veut un peu raconter tout ça. Bon, et bah du coup, on reprend. Film avec Charouk, c'est quelle parti. Quelle surprise, dis donc. C'est parti pour Raes. T'avais fait un gâteau au chocolat. Ouais. Je me souviens. Et on avait fait des pâtes au pesto en plus, je crois. Comme d'habitude. Mélanie, vraiment le détail intéressant toujours. Et voilà, en fait, c'était surtout de se taper une grosse barre. Et on avait déjà, en fait, des petites idées qui ont été reprises après parce qu'on avait déjà fait des résumés rigolos pour expliquer les films dont on parlait. Et c'est ce qu'on a gardé. Hein. On fait toujours nos résumés, nos synopsis un petit peu sous forme d'humour. Ouais, voilà. Et donc, on s'était dit, allez, on va faire ça. Et c'est des trucs, finalement, qu'on a gardés. Mais encore une fois, à la base, c'était pas du tout quelque chose pour être public. Et arrive l'année 2020. Comme toute personne visionnaire, on s'était dit, ça va être une bonne année. Et Mélanie me dit, écoute, viens pour rigoler. On se dit qu'en bonne résolution du nouvel an, on rend le podcast public. Et là, je lui dis, meuf, même pas en rêve que ce truc éclaté au sol qu'on a fait avec un son dégueulasse aille de façon publique. Pas question. En plus, dans les essais qu'on avait faits, à l'époque, on enregistrait via Discord. Il y a des trucs avec des distorsions de voix, on dirait qu'on mue. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'était juste pour nous. Et je lui dis, ok, mais si on fait quelque chose, va falloir que ce soit carré, avec vraiment une ligne directrice, etc. Et Mélanie était un peu, oh non, c'est bon, on peut y aller comme ça. J'ai fait, non, non, non, non, non, je ne m'expose pas comme ça. Et donc, moi, je suis passée en mode un peu phase de travail, que Mélanie, en fait, s'est dit, putain, mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Parce que la meuf est très premier degré. Et elle me dit, non, faut faire ça, puis il faut faire une vignette comme ça, et puis il faut un concept, et gna, gna, gna. Donc, moi, j'étais à fond, et Mélanie était en mode, oh, elle me casse les couilles. C'est vrai. Et puis finalement, on a mis vraiment du temps quand même, on a vraiment réfléchi dessus, qu'est-ce qu'on fait, tatata, faire plusieurs épisodes, parce qu'on avait vu que c'était mieux de lancer et d'avoir quand même quatre épisodes dès le départ, on les enregistre, machin, donc ça avait pris pas mal de préparation. Et au moment où on se dit on va le lancer, donc finalement en mars 2020, vlati pas qu'il y a le confinement. Et donc, en fait, ça arrive en même temps, et c'est vrai que c'était la période où plein de gens ont lancé des podcasts, et du coup, on aurait pu se dire, mais en fait, elles ont fait comme tout le monde, elles étaient en confinement, elles se faisaient chier. Faux, parce que moi, je faisais une thèse, donc croyais, moi, que j'avais de quoi m'occuper. Mais c'est pas du tout le confinement qui nous a lancé là-dedans, c'était prévu, et en fait, c'est juste que ça s'est croisé en même temps que la période confinement. Mais du coup, c'était fun parce qu'on avait quand même un peu plus de temps qu'en temps normal pour enregistrer, pour s'amuser, pour s'améliorer. Et c'est comme ça qu'en fait le truc a été lancé. Voilà. Et je remercie Julie qui a eu raison d'être exigeante à propos de la ligne directrice. J'ai appris une chose, c'est que Julie a souvent raison. Ça me fait mal de le reconnaître, mais tu as souvent raison, Julie. Ah, merci. Mais ça me fait mal de le reconnaître. Mais voilà, ce qui était à la base une grosse blague entre nous deux. Est devenu un truc sérieux qui existe maintenant depuis 4 ans. Mais c'est pareil parce que quand on s'est lancé, en fait, ce qui a poussé aussi au fait qu'on le lance, c'est que bah, nous, on vivait dans notre bulle de cinéma indien, mais en fait, il n'y avait personne d'autre autour avec qui le partager. Et en termes de médias ou quoi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chaîne YouTube dessus. Il n'y avait que les filles avec leur magazine, donc de Bolly & Co. qui existait. Fantastic India était fermé depuis un petit moment. Et en fait, il n'y avait rien. Et moi, j'étais frustrée parce que consommant énormément de podcasts, je me disais, mais il n'y a en fait personne n'a fait un podcast dessus. J'ai le seum. Alors que j'ai envie qu'on me dise, regarde ci, regarde ça, c'est intéressant. Et en fait, on s'est dit, bah, puisque ça n'existe pas, bah, c'est nous qui allons le lancer et qui allons essayer de casser un peu les clichés. Mais au départ, on s'est dit, en vrai, on le fait pour le fun. Mais a priori, au bout d'un mois, il y aura toujours que nous deux qui écoutons nos propres épisodes. Donc on va fermer le truc. Et puis au bout d'un mois, on a fait, bah, en fait, nous, on trouve ça marrant, ça nous divertit. Et donc on va continuer. Et puis on a continué, continué. Et en fait on s'est jamais arrêté parce que ça nous fait plaisir. Et voilà. Bah, ça va un peu avec la question d'après qui est, ça vous apporte quoi de faire un podcast? Bah, en fait on l'appelle notre thérapie. Oui, c'est vrai, mais non, mais sans déconner, ça nous apporte beaucoup de bonheur, mine de rien. Ouais. Bah, parce que des fois, la vie, c'est pas toujours facile, c'est compliqué. Et moi, je sais que quand je dois enregistrer un épisode avec Julie, et bah, je suis toujours très contente. Et une fois qu'on a enregistré l'épisode, et bah, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est trop cool. Et même au-delà de bah, cet aspect, on va dire, bah, thérapeutique, ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé à prendre la parole. En public, entre guillemets, moi je me souviens les tout premiers épisodes qu'on enregistrait, j'étais morte de trouille. Je me sentais pas Mais les bien. premiers épisodes, je ramais et j'étais là genre, et je parle toute seule et Mélanie fait des toutes petites interventions et je me disais, mais parle, mon sang, parle, me laisse pas toute Oui, mais seule. tu aimes beaucoup monopoliser la parole aussi, donc je Non, voulais les pas que premiers épisodes, j'étais obligée je de sais meubler plus. parce que n'arrivais pas à parler. J'étais en mode putain, je suis dans la merde et je voulais pas laisser des blancs. Et bon, bah après, j'ai pris un mauvais pli, c'est tout. Voilà, oui, bah maintenant je parle, hein. Tu devrais être contente, merde. Non, mais ouais, j'étais toujours très angoissée à l'idée d'enregistrer les premiers épisodes. J'étais pas bien parce que peut-être que je me sentais pas légitime, peut-être que j'avais peur que les gens nous critiquent, qu'on ait des haters et tout ça, que ça se passe pas très très bien et tout. Et bah maintenant ça va évidemment beaucoup mieux, heureusement. Et surtout qu'en plus c'est vrai qu'au départ on faisait pas forcément des épisodes ultra travaillés, très poussés en termes de recherche. Et au fil des mois qui ont passé, des années, bah on a appris justement à faire des recherches, à présenter des arguments, ce genre de choses, à débunker des films, notamment des films historiques, comme Tanaji. Et donc, le fait de faire aussi des films historiques, ça nous apprend l'histoire de l'Inde. Avec tous les films sur le féminisme, ça nous apprend la condition de la femme indienne. Et en fait, ouais, le podcast a été vraiment, une grosse porte d'entrée sur l'Inde, en fait, en général, sur son histoire, sur sa culture, sur ses religions, sur ses mœurs. Et en fait, c'est super intéressant parce que, pour ma part, j'ai appris plein de choses que je suis trop contente de connaître. Et en plus de ça, je me suis rendu compte, que le cinéma indien, c'était quand même vachement divertissant et super loin de tous les clichés qu'on peut entendre en mode « Bollywood, c'est kitsch et ça dure 3 heures et ça fait que danser, gna gna gna ». Et je suis contente aussi de m'être rendu compte qu'en Inde, il n'y a pas que Bollywood, il y a aussi d'autres cinémas, puisqu'il y a d'autres langues et d'autres façons de faire et tout. Donc ouais, d'un point de vue personnel, moi, ça m'aide aussi des fois à aller bien. Ça m'a appris à avoir moins peur de m'exprimer en public. Et ça a renforcé ma culture générale. Donc, c'est très, très chouette. Non, mais c'est ça. Comme on vous l'a dit, au départ, quand on s'est lancé, c'était avec aucune espérance de tenir et encore moins de notoriété. Donc, en fait, les premiers épisodes ne sont pas du tout travaillés parce qu'on s'était dit, on s'en fout, on va parler entre nous. Presque pour nous, comme si on se faisait un vocal WhatsApp. Donc on s'était pas dit, il faut qu'on creuse le sujet. Par contre, dès le début, on avait une ligne qui était claire, c'est qu'il fallait débunker les idées reçues sur le cinéma indien et indie. Et donc on avait choisi dès le départ d'alterner un épisode relativement divertissant, ou de cinéma mainstream, ou historique, avec la fois d'après un film féministe ou tourner sur la société. Et vraiment, quand on regarde les premières saisons, on a vraiment cette alternance de 1 sur 2, parce qu'on voulait dire, voilà, c'est ça aussi le cinéma indien. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on peut voir très rapidement, parce que les gens, en plus, ont tendance à recommander toujours des trucs des années 90. Et moi, t'aurais essayé de me choper là-dessus, c'était mort. Enfin, bref, on y reviendra. Mais voilà, dès le début, on savait qu'au moins, on voulait dire... regardez, il y a d'autres choses qui existent. Et en fait, petit à petit, comme on s'est prise au jeu et qu'on a avancé au fur et à mesure, et qu'on n'était pas du milieu du cinéma, on s'est dit, on va apporter ce que nous, on sait faire de mieux avec nos compétences et nos cursus, c'est faire de la recherche, en fait. Parce qu'on fait de la recherche tout le temps. Donc, faire de la recherche, trouver de la bibliographie, la lire, faire de l'analyse, la restituer, c'est ce qu'on sait faire dans la vie de tous les jours. On va le faire sur du cinéma indien. Et voilà, et effectivement... Il n'y a pas à dire, on ne peut pas tout connaître, donc on a appris, on a découvert, on a retransmis ce que nous on apprenait, et aussi un peu vulgarisé, parce que mine de rien, ça n'est pas du tout de faire des recherches, il faut aussi savoir les synthétiser, les restituer de façon intéressante, et voilà, en fait pour nous c'est vrai qu'il y a quelque chose de très stimulant intellectuellement, parce qu'on s'enrichit, parce qu'on améliore notre culture générale, et puis effectivement c'est très... thérapeutique parce que déjà on se connaît très bien avec Mélanie, on avait déjà fait tout un tas d'autres projets en dehors du podcast, on a l'habitude de entre guillemets travailler ensemble ou faire des projets ensemble et c'est déjà quelque chose qui rapproche aussi et puis on sait qu'on se tape des barres à chaque fois même si des fois on fait des sujets sérieux, c'est toujours un bon moment à passer et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de thérapeutique dans la mesure où pour vous donner par exemple, tu l'as dit, la vie elle est pas toujours facile. Pour vous dire la vérité, petit moment un peu plombant, moi il y a quoi 3 semaines à peu près, j'ai eu un décès d'une proche. Et voilà, c'est des trucs qui sont difficiles à encaisser, etc. Mais voilà, je l'ai enterré et c'était dans la même semaine, 3 jours après, on avait prévu de tourner un épisode. Et ça m'a pas embêté de le tourner, tu vois, on aurait pu se dire ça va pas bien, je le fais pas et tout. Parce qu'en fait, je savais que c'était un rendez-vous cool, où on allait être ensemble, où ça allait être fun, où ça allait être un moment qui fait du bien, tu vois. Et donc, j'ai jamais tourné un épisode sous la contrainte, parce que c'est vrai qu'on a eu un rythme très très soutenu au début, puisque c'était un épisode toutes les semaines, et que Dieu sait que nos épisodes ne sont jamais courts. Et après, on a ralenti en faisant une semaine sur deux. Mais on n'a jamais tourné un épisode en se disant « Putain, ça me fait chier, je le fais sous la contrainte, je vais faire semblant d'être heureuse, en faire semblant de rire, faire semblant de s'amuser, tu vois. » Parce qu'on est vraiment archi spontané dans ce qu'on fait dans nos épisodes. On parle vraiment comme dans la vie de tous les jours. Moi, je me souviens que quand j'avais enfin dit un petit peu à des gens autour de moi « Voilà, je fais un podcast !» et que les copines ont écouté, je me souviens qu'elles m'ont dit « Ah, c'est trop marrant, mais tu parles comme dans la vraie vie. » Et j'ai fait « Bah oui. Je fais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me fait non mais t'aurais pu faire un podcast tu sais avec un ton un peu sérieux comme on peut avoir des trucs qui font très journalistique tout ça et tout. Elle me fait mais là c'est juste toi en fait. Je suis oui c'est juste moi. Donc si vous nous trouvez cool en nous écoutant dans des épisodes, bah sachez qu'on est vraiment comme ça dans la vraie vie. Hein. On parle vraiment comme ça avec nos tics et nos défauts mais voilà, donc en fait, je l'ai fait, et effectivement, généralement, quand on termine, avec Mélanie, on fait « Ah, putain, ça fait du bien !» Même dans des semaines qui sont pas faciles, et ben en fait, c'est toujours un moment qui est agréable, et quand vous nous avez fait des messages en disant « Ah, vous m'avez fait trop rire, ah, c'était trop cool !» En fait, c'est vraiment ce qui nous fait le plus plaisir, parce qu'on se dit que bah, vous aussi, vous vivez des trucs qui sont pas cool tous les jours, et peut-être des moments voilà, aussi terribles que les pertes de proches. Et je me dis, si en fait nos épisodes, bah, ils ont un peu embelli votre journée, que ça va mieux, et que vous aussi, après, écoutez, « Tain, je me suis bien marrée, ça m'a fait du bien !» Bah en fait ça fait plaisir de se dire que nous ça nous a fait du bien et peut-être que vous aussi ça vous a fait du bien et c'est voilà c'est ça qui rend heureux quoi. Ah oh, c'est beau. Mais en fait je pense qu'on a voulu faire le podcast que on aurait aimé écouter aussi. Ouais. Il y a de ça voilà. D'entendre des gens qui se tapent des barres même sur un sujet parfois un peu sérieux voilà quoi. Et du coup, ça, comme je parlais de tics et de défauts, ça va avec la question d'après de Hugo Lecky qui dit « Est-ce que vous avez dû apprendre des choses, que ce soit au niveau du montage audio ou sur votre manière de parler, diction ou autre ?» Oui, parce que, notamment comme tout à l'heure quand j'ai réécouté les épisodes de « I don't know what to do, let's go !» Et ben, mon Dieu, au début, on avait vraiment des tics de langage et notamment moi, de énormément claquer la langue. De faire moi aussi, ouais. Et ASMR où tu t'en rends pas compte et tu parles et en fait c'est des tics de nervosité parce qu'en fait c'est un moment où tu ravales ta salive et je me souviens que quand j'écoutais les premiers épisodes je me disais putain elle est casse-couille celle-là avec claquer la langue. Faut savoir qu'on est aussi très difficile envers nous-mêmes très à cheval sur nos façons de... Mais après on s'est dit bah tant pis on est comme ça c'est spontané et ce qui est terrible c'est qu'on est moins souple je pense sur nos écoutes à nous que l'on ne l'est sur des qualités audio de d'autres podcasts qu'on suit. Parce qu'il y a des fois, il y a des podcasts que j'adore suivre et ils se retrouvent avec un son tout pourrave et je m'en fiche. Je me dis, c'est pas grave, j'aime bien, ok, il y a ça qui va pas, mais tu t'en fiches parce que t'es contente d'écouter ce podcast et de ce qui se dit dedans. Alors que sur nos propres épisodes, il y a des fois, je fais, putain, il y a ça, c'est pas terrible, c'est pas, ah, là, là, là, ça va jamais passer, les gens, ça va les saouler et tout. Ouais, je pense qu'on est plus difficile envers nous-mêmes qu'envers les autres. Et oui, je pense qu'on a un peu amélioré notre diction, même si on parle toujours vite, même si on a des tics. Mais je pense qu'on a surtout appris à être moins stressé, à aussi s'ouvrir un peu plus, à dire ouvertement voilà, ce qu'on pense. Au niveau montage audio, non, pas tellement, parce que comme je vous ai dit, je faisais déjà beaucoup de montage avant, donc ça, c'était vraiment pas difficile, je gérais déjà bien. Ça, ça n'a pas été compliqué. Voilà, alors sachez que c'est à chaque fois Julie qui fait tous les montages, et encore une fois, je la remercie de bien vouloir le faire, parce que moi, je n'y comprends rien, et je n'y connais rien. Donc, par contre, le lancement, c'était difficile. Toute la technique de savoir, une fois que tu as fait un épisode en format MP3, où est-ce que tu l'héberges? Comment tu le diffuses, c'est quoi un flux RSS, tous ces trucs-là. En fait, je me suis dit, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça. Ouais, ça, ça a été un peu chiant. Oh, heureusement que t'es là quand même. Et toi, Mélanie? Du coup, au niveau du montage, j'ai rien appris, puisque c'est Julie qui le fait. Et elle s'en sort très bien. Après, oui, c'est vrai que nos premiers épisodes sur la manière de parler, moi aussi, je claquais un peu la langue et tout. Tu sais, tu parles d'une voix qui est pas très bien assurée. T'es là, t'es... oui, alors ce film, oui, il était beau et tout. Et tu sais, j'avais envie de me secouer en mode, putain, mais un peu plus d'énergie, un peu plus d'entrain, meuf. Allez, allez, hop, hop, hop. Et ouais, ça m'a... Comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a aidé à prendre plus confiance peut-être en moi, savoir poser peut-être un petit peu mieux ma voix, ce genre de choses, donc... Ouais, et dans les choses qui, sur notre question, mais qui va avec, à apprendre ou qui a été difficile à gérer, ce qui est difficile au départ, c'est de s'entendre. Entendre sa propre voix, notamment la mienne, ouais. Parce que de base, j'ai un complexe dessus. Un jour, on s'est moqué de ma voix quand j'étais à l'école. Donc, depuis, j'ai un complexe sur le fait que moi, j'ai pas une voix de fille qui est vraiment claire, qui est assez aiguë, tu vois, une voix un peu classique, qui ressemble pas à ce qu'on entend dans d'autres podcasts et tout. Et au début, m'entendre, c'était vraiment une galère. Et le pire, c'est qu'en fait, ça m'a toujours suivi parce que même encore aujourd'hui, dans mon métier, tout ce que je fais en termes d'audition et tout est enregistré. Et ensuite, je dois faire des comptes rendus, donc je dois quand même me réécouter. Et ça, c'était difficile. Et ça faisait partie des choses qui me faisaient peur en lançant le podcast. C'était que quelqu'un ou plusieurs gens un jour arrivent et disent « Putain, mais c'est quoi ces voix à chier, quoi ?» Et j'avais vraiment peur qu'on nous envoie des choses comme ça à la figure. Et ça n'est jamais arrivé. Dieu merci. Oui, encore heureux. Mais ouais, ça m'a beaucoup stressée et j'ai mis vraiment du temps, vu que c'est moi en plus qui faisais le montage. Je pouvais pas juste me dire, je parle et puis je réécouterai jamais ce que je dis. Et en fait, je suis obligée de tout le temps me réécouter et j'ai appris à un peu tolérer cette voix. Je ne l'apprécie toujours pas, mais j'ai appris à la tolérer et à me dire, ah oui, j'ai l'habitude, elle ressemble à ça maintenant. Donc voilà, ça faisait partie des trucs qui pour moi me paraissaient difficiles à gérer au début. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'avais un petit complexe dessus. Je supportais pas de m'entendre. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'en fait, on réécoute toujours les épisodes avant de les mettre en ligne pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas de bug et tout ça. Et ouais, au début, c'était un petit peu dur. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis assez contente de ce côté-là. Puis ouais, ce qui était dur aussi, c'est de vaincre la timidité au début. Mais bon, maintenant, vous l'avez vu, on est globalement assez à l'aise, hein. On parle beaucoup voilà. Trop maintenant. Je crois qu'il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. On raconte tellement de conneries aussi. Et alors du coup, on a une petite question de Les Mondes de l'Inde. Comment se passe l'enregistrement d'un épisode? Combien de temps cela vous prend pour préparer un épisode et comment préparez-vous? Et ça va aussi avec une autre question d'Hugo Lecky. Comment trouvez-vous l'inspiration pour vos sujets? En fait, ça dépend aussi de la période. Par exemple, quand Rocky or Rani est sorti, au cinéma, en fait, on n'était pas allé le voir au cinéma d'ailleurs, on a attendu qu'il sorte sur Aintuzan ou les autres plateformes de streaming pour pouvoir en parler. Donc des fois, on essaie vraiment de parler de films qui sont sortis récemment, ça a aussi été le cas avec The Archies, ça a été le cas avec un chef-d'œuvre du 7e art qui s'appelle Animal. Donc on essaie parfois de coller à l'actualité du cinéma indien. Sinon, l'inspiration pour les sujets, ça dépend de tes idées à toi aussi de temps en temps. Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, on essaie de revenir à certaines thématiques. Donc de temps en temps, on fait un film historique, on va faire un film de société, donc quelque chose qui va parfois toucher au féminisme, ce genre de choses. Parfois des petites comédies un peu plus légères. Quand on arrive sur Halloween, on a envie de faire des trucs qui font un petit peu peur. Quand on est sur la Saint-Valentin, soit du 50 nuances de grès, soit du romantisme. Mais voilà, en général, on essaie de coller soit à l'actualité ciné, soit à la période à laquelle on va enregistrer. Ou des fois, ça va être selon notre humeur. Mmh. Et combien de temps ça nous prend pour préparer? Ça dépend du film. Si c'est un film historique, va falloir creuser un petit peu plus le sujet. Harichandrachi Factory, on s'est un peu renseigné pour savoir si le film racontait ou pas des conneries. Donc si c'est un film historique, forcément, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Par exemple, si je prends aussi The Great Indian Family, qui était juste une petite comédie familiale, il n'y a quasiment pas de temps de préparation. En fait, on regarde le casting, s'il y a des anecdotes de tournage, ce genre de choses. Donc, ça varie d'un film à l'autre. Et comment ça se passe l'enregistrement? Bah, très bien. Non, mais en fait, on serait partie... C'était pas la réponse attendue. Je sais. Je m'y attendais pas. Comment ça se passe? Très bien, je suis... Ah. Et non, bah, comment ça se passe? Bah, en gros, on se fait un petit débrief avant, on se dit, bon, bah, c'est toi qui dirige et tout. En fait, il y en a une qui... En fait, une semaine sur deux, on change. Soit c'est moi qui vais lire la fiche technique, soit ça va être Julie. Mais en fait, vu qu'on est bien rodé maintenant, bah, l'enregistrement, ça va tout seul. Et en fait, on se rend compte aussi que, par exemple, lorsqu'on a des anecdotes sur des films historiques ou des anecdotes de tournage, bah, des fois, Julie, elle a des trucs que j'ai pas, moi j'ai des trucs que toi t'as pas des fois non plus. Et en fait, on se complète. C'est-à-dire qu'avant d'enregistrer un épisode, on se concerte même pas, quasiment, non, sur nos recherches. Et en fait, on y va comme ça. Au talent. Oui, parce que le but aussi, c'est justement de croiser nos infos. Oui, voilà. Et d'éviter de biaiser le ressenti de l'autre. Voilà. Donc, après, vraiment, quand on se lance, c'est frais, quoi. C'est très, très rare qu'on parle en off d'épisode. Bon, en général, c'est moi qui craque, qui se voit « Ah, il y a eu ça et tout, ya. » Mais, et en fait, je sais pas comment on fait, je pense que c'est parce qu'on se connaît très bien aussi. Mais du coup, on arrive à bien recouper toutes nos informations, toutes nos sources, et on arrive à se compléter, mais sans le faire exprès, en fait. Sans savoir ce que l'autre elle a fait comme recherche ou pas. Et à chaque fois, à la fin de chaque épisode, on est en mode « Ah, t'as vu, on est arrivé à bien se compléter. Toi, t'avais trouvé ça et moi, j'avais trouvé ça. C'était trop bien et tout. » C'est ça, 20 ans d'amitié, Mélanie, on est complémentaires. Ah, c'est beau. Non, c'est vrai qu'on a une organisation qui est très carrée quand même. Ah on a un calendrier aussi. On a des plannings, on a des listes sur lesquelles on réfléchit. Quand on repère des choses, on se les met de côté. On anticipe toujours ce qui va arriver, même si de temps en temps, hop, il y a un film qui se glisse finalement plus tôt que prévu parce qu'on se dit, tiens, c'est pas mal et tout. On sait qu'on va au maximum à chaque fois mettre en avant des films de société ou féministe, c'est toujours comme au tout début, parce que c'est dans nos convictions, parce qu'on trouve que c'est important de mettre ça en lumière, donc ça a toujours une priorité. On essaye de varier à chaque fois les castings au maximum et pas enchaîner une ligne droite sur Charouk, parce que bah, c'est chiant. Donc on se dit, tiens, il y a tel acteur ou telle actrice, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui ou d'elle. On va essayer de se focaliser dessus. On avait un objectif d'absolument faire au moins un film par décennie du cinéma indien pour vraiment balayer absolument tous les courants qui ont pu exister. Et voilà, donc effectivement, après, de temps en temps, l'actualité fait que, oh, bah tiens, finalement, on va plutôt prendre celui-ci ou celui-là. Ah tiens, ça, il y a ce sujet-là qui pourrait être intéressant à creuser. Quand on sait que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps de recherche, bah, on l'anticipe sur plusieurs mois. Et voilà. Et après, honnêtement, je pense qu'on a pris l'habitude que ça fasse partie de notre quotidien et qu'on recherche de ci, de là. En vrai, en temps cumulé, je pense qu'on passe énormément d'heures de travail, de recherche, de préparation, de poste. Je pense que ce qui nous prend le plus de temps, c'est vraiment toute la recherche. Parce qu'après, bah, on regarde le film. Généralement, donc c'est toi qui prépares les intros et les synopsis. Et il faut savoir qu'en montage, au final, j'ai quasiment pas grand chose à faire, hormis quand on a des invités. Mais quand c'est toutes les deux, on a tellement l'habitude. En fait, peut-être que vous pensez que je fais des coupes sur le montage, mais en fait, pas du tout. On est vraiment quasiment dans un one shot en ligne droite complète. Parce qu'on a pris cette habitude. Donc on sait que ça va être spontané, on sait qu'on ne doit pas laisser de blanc. On a tellement pris l'habitude que j'ai pas grand-chose à faire dessus, hormis quelques ajouts en démusique, ou si vraiment il y a un petit accident en cours de route, de, je sais pas, quelqu'un qui fait tomber son micro ou que sais-je. Mais ça arrive très très très rarement, en fait, que je retouche au montage, aux épisodes, hormis quand on a des tierces personnes, parce que là, on a moins de maîtrise sur leur son, sur leur piste audio. Des fois, c'est des gens qui laissent pas mal de blanc, donc il faut aller couper ça. Voilà, ça c'est des épisodes qui demandent plus de travail en soi, mais le montage c'est vraiment pas ce qui est le plus long pour nous. Et puis bah après, bon après on fait un peu de promo, des fois je fais des petites vidéos, machin, voilà. Mais combien de temps ça prend? En vrai je pense que tout cumulé ça fait vraiment beaucoup de temps, ouais. Mais comme on est organisé, bah on arrive à le répartir de façon à ce que ce soit pas lourd et pénible pour nous dans notre quotidien. Et si jamais on en avait déjà parlé, c'était dans l'interview qu'on avait faite pour Bonjour Bonjour sur son site. Elle nous avait posé la question aussi, et donc on avait déjà un peu donné d'informations là-bas. Il y a peut-être un autre point que je vais soulever, ça va être au niveau du son. C'est un truc sur lequel on a du mal à avoir de la maîtrise, déjà parce qu'on n'a pas voulu faire des investissements particuliers, et surtout parce que j'ai énormément déménagé, je vous l'ai déjà dit, ce qui fait que j'ai changé genre 1 milliard de fois d'environnement sonore, Mélanie aussi, ça lui est arrivé, et donc vraiment c'est un truc sur lequel on a pas mal de difficultés, et je sais pas si ça se ressent, ressent pas, et moi je suis un peu parano là-dessus. On sait que c'est pas parfait, et on s'en excuse, mais en fait, on choisit pas nos apparts en disant bonjour, ce serait pour enregistrer un podcast. C'est déjà la galère, on trouve l'appart dont on a besoin, et après on se démerde avec dedans. C'est ça, ouais. Et voilà, c'est toujours un truc sur lequel on n'est pas encore bien stable, mais on fait de notre mieux. Mais ça, on va peut-être en reparler avec la question suivante. C'est les questions de Elodie, de Bolienko et de Lapinouille. Quel a été l'épisode le plus difficile à enregistrer? Technique, ressenti, quel épisode avez-vous préféré enregistrer? Alors, au niveau technique, on en a eu plusieurs. Parce qu'en fait, il y a, je sais pas, peut-être au moins cinq épisodes qu'on a dû réenregistrer une seconde fois. Parce qu'on s'était rendu compte qu'à l'écoute, il y avait eu des bugs et que le son était immonde. Et donc, on avait dû tout refaire. Et en vrai, ça, quand ça nous arrive, vous pouvez même pas savoir à quel point ça nous saoule. Parce qu'en général, quand on enregistre la première fois, on s'est tapé des barres, c'était trop chouette, c'était spontané, comme pour Cholet. Et là, quand quelques heures plus tard ou le lendemain, il y a Julie qui me dit « Mel, assieds-toi, faut que je te parle, va falloir tout réenregistrer », on est là en mode « Parce que c'est pas comme si on faisait des épisodes de 15 minutes. Voilà. Mais sinon, au niveau du ressenti, Poulain Davy, c'était pas facile. Parce que ça traitait quand même d'un sujet assez violent. Et c'était pas facile de l'enregistrer, cet épisode. Il m'a un peu trauma, ce film d'ailleurs. Il m'a un peu... Ouais, il m'a vraiment marqué. Même l'enregistrement, c'était pas forcément évident non plus. Parce qu'on aborde un sujet qui est atroce. Et je trouve que c'était un peu... Un peu lourd. Moi, pour l'épisode qui a été le plus difficile à enregistrer et qui cumule à la fois la technique et le ressenti, c'est le moment où je vais balancer un petit peu de drama. Mélanie, ne panique pas, je contrôle la situation. D'accord. Et bien, c'est celui sur Slumdog Millionnaire. Je savais que t'allais dire ça. Je vais vous expliquer. Non, en préambule, je vais quand même vous dire que malgré tout ce que je vais dire, l'épisode sur Slumdog, c'est vraiment un des épisodes dont je suis le plus fière. Et j'ai adoré que Victoire soit avec nous. Tout ce que je vais dire ne la concerne pas elle directement, rassurez-vous, c'est entre Mélanie et moi. Donc du coup, pour l'épisode de Slumdog, je l'avais dit dans l'épisode, et en fait c'est un sujet qui m'a passionnée, et j'ai travaillé dessus pendant 4 mois, pour vous donner une idée vraiment de l'ampleur. Et j'étais obsédée par le sujet, j'étais à fond dessus, j'ai travaillé des mois et des mois, j'avais vraiment fait beaucoup de recherches, j'avais lu des études, des analyses, etc. J'avais tout compilé et je m'étais dit « Ok, j'arrive avec un dossier en béton pour cet épisode ». Et donc on se donne rendez-vous, on s'installe, on doit donc faire une visio avec Victoire, et là déjà ça démarre mal, ma caméra ne fonctionne pas, et je comprends pas pourquoi. Et parce que Mélanie et moi on se donne toujours rendez-vous un peu avant le rendez-vous avec un invité ou une invitée, et donc on s'appelle et je suis là « putain ça marche pas, je comprends pas, je relance le truc, je ferme, j'essaye de changer des trucs et des machins, on essaye plusieurs plateformes, il y a rien à faire, cette caméra veut pas se mettre » et je suis là... Déjà, ça me contrarie. et donc, on se dit, bon, tant pis, il y aura que toi. Alors, Mélanie a fait, mais non, pourquoi il y aura que moi et tout. Et je suis là, j'ai pas ma caméra. Ensuite, on s'était pas très bien comprise avec Victoire sur un horaire. Et en fait, on se retrouve à démarrer une heure plus tard que prévu. En tout cas, que nous, ce qu'on avait prévu. Et on savait que ça allait être un épisode qui était très long. Donc déjà, on était un peu fébrile de démarrer aussi tard. Et donc on démarre l'épisode, tout se passe bien, et en fait ce qui se passe c'est que moi j'arrive avec toutes mes infos, je suis méga sûre de moi, je connais mon truc, et le problème c'est que du coup j'arrive avec toutes mes infos qui sont méga étayées, et en face en fait la réception elle est pas à la hauteur de ce que j'attends. Et autant je me dis, ok, bah Victoire, c'est parce qu'elle connaît moins le sujet, etc. Autant Mélanie savait depuis combien de temps je bossais dessus. Et comme elle réceptionnait pas aussi bien que ce que j'attendais, et pire qu'à un moment donné, chose que j'ai enlevée du montage pour le coup, elle me dit, écoute, je trouve que tu pinailles un peu. En fait, à ce moment-là, j'ai vrillé. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais hyper énervée. Parce que je me dis, meuf, tu sais très bien que ça fait 4 mois que je bosse dessus, que ce que j'amène, c'est du solide, et tu me dis que je pinaille, l'air de dire, en fait, on s'en fout un peu de ton truc, et je sais pas pourquoi tu cherches du détail comme ça, ouais, c'est inutile, quoi. Et du coup, je l'ai pris très personnellement, je l'ai vraiment pas bien pris, mais on est dans l'épisode et il faut continuer, en fait, donc tu continues le truc, mais je sens que je monte en pression. Et on continue l'épisode comme ça, et encore une fois, on me retoque sur certains trucs, et je me dis, putain, mais est-ce qu'elles ont vraiment compris que j'ai bossé dessus pendant 4 mois en fait? Que ce que j'amène, c'est pas juste mon opinion en me levant un beau matin comme ça et en disant, oh bah tiens, peut-être qu'il y a du male gaze, et que non, j'ai travaillé dessus. Et donc je vis cette frustration, quelque chose que pourtant je suis censé connaître en tant que scientifique, parce que le nombre de fois où tu fais des travaux scientifiques et en fait les gens à qui on donne la parole sur les plateaux télé, c'est juste des cons qui connaissent même pas le sujet, mais qui en parlent mieux que personne, bizarrement. Et pourtant, là, je la vis, cette frustration, tu vois. Et l'épisode se passe, et en même temps que l'épisode tourne, comme je suis celle qui monte, je me rends compte que l'épisode va y avoir beaucoup de travail dessus, sur le montage, sur le son, etc. Et ça aussi, ça me trotte dans la tête et je me dis, putain, ça va être la galère ce montage et tout. Bref, on fait l'épisode, il se termine, on dit au revoir à Victoire, j'étais quand même très contente qu'elle soit là et tout. Mais là, le truc s'arrête et après, on fait toujours des briefings. Et donc, Mélanie essaye de me parler. Et là, je pense, elle capte très vite que je suis énervée, hein, parce qu'on se connaît, que je réponds plus beaucoup. Et au bout d'un moment, elle fait, t'es énervée contre moi? Et là, je lui fais, oui. Et là, je commence à déballer tout mon truc. Et je sens que vraiment, je monte en pression et je suis très en colère. Et en fait, ça ne m'était jamais arrivé. En général, les épisodes se finissent toujours bien, on est contente et tout. Et là, c'était la première fois où, en arrêtant un épisode, j'étais pas du tout contente de l'épisode. Je le trouvais nul, je le trouvais mal foutu, je savais qu'il allait être chiant à monter, j'étais super énervée, vraiment j'avais la rage et tout. Et en fait, j'ai fait la gueule à Mélanie pendant longtemps. C'est-à-dire que tout le week-end, j'étais rageuse sur le sujet. Et comme après je réceptionnais les pistes audio et qu'il fallait que je monte, il fallait donc que je réécoute absolument tout, parce que c'est moi qui montais le truc et qu'il y avait non seulement beaucoup de travail dessus, mais en plus du coup je réécoutais Mélanie qui me fait bah tu pinailles un peu. Et donc je me suis réénervée et je me suis réénervée et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à redescendre de cet épisode. Et quand il a fini d'être monté, je me suis dit bon, en fait, il est pas si mal, c'est vraiment la colère qui me donnait l'impression qu'on avait fait un épisode nul, en tout cas pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et en fait, après, c'est bon, je suis redescendue quand même, et j'en suis effectivement très fière. Et puis finalement, ça va, quand on l'écoute, ça va aussi. Voilà, je suis pas rentrée dans le lard de Mélanie en en plein épisode. Mais ouais, ça a été un épisode pour moi un peu difficile, et c'était vraiment le premier et le dernier sur lequel, à la fin, ça s'était pas déroulé comme je voulais. Et voilà, si vous voulez un peu de drama, et sachez que dans la vie, enfin, voilà, c'est vraiment une seule fois, mais il faut se dire aussi, par exemple, si des gens veulent se lancer, enfin, ça existe aussi. Il y a aussi des fois où ça se passe pas bien, il y a des fois aussi où on s'engueule. Après, ça fait 20 ans avec Mélanie, on a eu le temps de s'engueuler, de se faire la gueule plein de fois, donc je pense qu'elle savait, elle a fait wouh, écoute, je ne lui parle plus pendant une semaine, et puis ça ira mieux après. Ça va, je me suis excusée. Oh là là. Alors, est-ce que tu me fais toujours la gueule ou c'est bon? Ça y est, c'est derrière nous? Hein? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Non, et je rajouterais que une fois que tout ça était fini, je rentrerai pas dans le détail, mais il y a eu un autre tout petit, enfin un petit drama derrière qui est venu genre rajouter un truc pour m'énerver. Et je me suis C'était dit, pas ah ma faute non. cette fois. Non, là c'était pas ta faute, c'était un truc extérieur. Et il y a eu un bail un peu voilà, un peu tendax, et voilà. Mais au final, aujourd'hui, Je suis très cool avec l'épisode, j'en suis vraiment très fière, gros boulot, on a fait un article derrière, etc. Mais sur le coup, ouais, là, c'était chaud. Mais m'as-tu pardonné ? Mais évidemment ! Ah, non, mais c'est vrai que oui, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de nous engueuler, enfin, en 20 ans, c'est normal, mais on finit toujours par se pardonner, il faut juste que l'orage y passe, et après, ça va mieux, quoi. Mais évidemment, après, j'ai compris le point de vue de Julie, je me suis excusée, je me sentais un peu merdeux, j'étais en mode « putain, merde !» Enfin bref, allez. Ensuite, quel épisode avez-vous préféré enregistrer ? Ah ! Y en a eu plein. Ah oui, moi aussi, j'ai fait une liste. En fait, moi, je pense que mes épisodes préférés enregistrés, c'est les épisodes où ben, on pouvait raconter des anecdotes sur notre adolescence, genre celui sur Harry Potter, le fameux Abracadabra, l'épisode sur Twilight, l'épisode sur le destin de Lisa. Et j'ai mis les trois aussi. Sur 50 nuances de Grey aussi. Et vraiment, ces épisodes-là, c'était extraordinaire. Et en plus, ouais. Abracadabra, on l'avait regardé ensemble. Enfin, sur Skype, à distance, mais on était en même temps connectés. Enfin, on regardait film, on était sur Skype, donc on pouvait se parler en même temps. Et on s'était tapé des barres. Et en vrai, voilà, Harry Potter, c'était une de nos passions quand on était ados. Alors, faire un Bollywood versus Harry Potter, pour nous, c'était tout simplement énorme, quoi. Ah, le kiff. Et voilà, et celui sur Twilight, il était tellement drôle aussi. Et... S'il vous plaît, ouais, c'est celui où on parle de tous Paris, notamment, et de d'autres films. Mais, s'il vous plaît, c'est l'épisode où je vous avoue que j'ai écrit une fanfiction. Alors, allez écouter ça. Une fanfiction qu'elle m'avait lue. Oui. Mélanie ne s'en est jamais remise. Ah non, oh là là, si vous saviez ce qui se passe dedans. Oh là là là là là là. Mais ouais, parce que c'est des épisodes un peu nostalgie aussi, donc c'était beaucoup trop cool, quoi. Ouais, c'est des épisodes dans lesquels on se marre beaucoup, et effectivement, il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Mais après, il y a plein d'épisodes où on a déliré. En fait, mine de rien, l'épisode sur Animal, on s'est tapé des grosses barres dessus. C'était génial aussi. L'épisode sur Aeropanty 2, on s'est tapé des grosses barres dessus aussi. Et voilà, après il y a aussi, enfin, c'est difficile de choisir parce que quelque part il y a des épisodes où bah on amène des infos, comme j'ai dit, ou alors c'est beaucoup de travail et du coup t'as vraiment un sentiment de fierté quand t'as fait l'épisode parce que tu te dis waouh, là les gens ils vont apprendre des trucs et c'est grave intéressant, et donc ça fait plaisir. Mais effectivement il y a tous ceux où bah tu, c'est surtout où tu te fais kiffer toi, et ce qui est génial c'est qu'en fait c'est aussi les épisodes généralement que vous préférez, et on se rend compte qu'en fait la bonne humeur est hyper communicative, et que, parce qu'au départ c'était un peu stressant, on se disait attends mais imagine les gens ils disent ok elles sont totalement dans leur délire ces deux là, en plus elles sont pas très drôles, vraiment je sais pas pour qui est cet épisode, et non on se rend compte qu'en fait vous êtes aussi barrés que nous, vous avez le même genre d'humour que nous et vous les aimez aussi, et donc voilà c'est top ici. Mais je suis d'accord, Abracadabra, Jessie, Coinahin, tous Paris, ouais c'est vraiment le top 3. Ah, il y a, enfin, puisque tu parlais, voilà, d'épisodes qui sont intéressants aussi, où tu peux emporter des infos. Il date un peu maintenant, mais l'épisode sur Sikandar, j'avais vraiment beaucoup aimé l'enregistrer, parce que vu qu'il date de 1941, si je dis pas de bêtises, ouais. On était encore bah, sous le Raj britannique, et du coup, c'était un cinéma qui était un peu à son tournant, puisque c'était du cinéma de propagande anti-anglais. Et du coup, on a pu parler de ça en abordant justement bah, le thème d'Alexandre le Grand qui veut envahir l'Inde. Et du coup, on a pu apporter plein d'infos non seulement sur Alexandre le Grand, mais aussi sur bah, la situation du cinéma indie dans les années 40. Et c'était trop, trop cool. Mais après, il y a aussi les épisodes avec les invités qui sont chouettes. Enfin, ouais. Je veux dire, quand on a trashé Bram Astra avec Elodie et Asma, enfin voilà, quoi, c'est... c'est un peu la vie, quoi. Ah, c'était génial. D'ailleurs, les filles, putain, j'ai plus à parler, pardon. Moi, j'ai hâte que sorte Bram Astra 2, hein, pour qu'on en fasse un épisode toutes les quatre. Hein. On va aller le voir au cinéma toutes les quatre, oui. Quand il sortira. Souffrir ensemble. Quand il sortira, c'est-à-dire, je crois qu'il sort en 2026, il me semble. Ouais. Hein. Donc, on a le temps de voir venir. Ensuite, faut qu'on avance un peu quand même, Loubloum, pourquoi ne pas faire un partenariat avec les distributeurs salles pour faire des présentations de films, créer des événements en y invitant tous vos fans, et pareil, les mondes de l'Inde nous avaient dit, j'espère qu'un jour on pourra se rencontrer. De ouf. Alors, ouais, allez, on va démarrer sur le côté meet-up. Alors, encore une fois, je pense qu'on a un petit peu un syndrome de l'imposteur dans le côté... On est sur un cinéma de niche, donc on est sur une petite communauté. On fera jamais autant d'abonnés sur les réseaux, tout ça, que n'importe quel podcast qui se lance sur de la littérature ou du cinéma américain, quand bien même il existe déjà 1 milliard d'autres podcasts sur le sujet, tout simplement parce qu'on est vraiment sur quelque chose de niche et que les gens, ça les dérange pas de réécouter 20 fois des podcasts qui parlent de la même chose. Donc... à chaque fois, de la même façon qu'on se dit une FAQ intéressera personne, on se dit si on faisait un meet-up, on serait deux autour d'une table. Et donc organiser le truc, ouais, j'avoue, tu te dis c'est de la charge mentale pour pas grand chose, y a aucune chance, faire un truc en public, tout ça, pas possible, y aura personne. Mais après, on n'est pas ouverte à l'idée en fait de vous rencontrer à l'occasion. Si vous on n'est pas fermé, voilà. Tu veux dire. Oui, pardon. On n'est pas fermé à l'idée justement de vous rencontrer si vous passez dans le coin, si on s'organise ça. Franchement, pourquoi pas, voilà, en mode chill, tout ça. Mais je pense pas qu'on ait tant que ça de fans, voilà. Mais avec plaisir que... Ce sera chouette, ouais. Qu'on voudra vous rencontrer, franchement, on est open, ce serait vraiment cool. Et l'idée d'un partenariat avec les distributeurs et les salles... Alors, pour faire des présentations de films... On n'y a jamais pensé. On sait que ça se fait. Bah, encore une fois, coucou Marie, qui fait ça avec son ciné-club, notamment. Et puis, je sais que Cinéscope aussi fait des présentations de films du côté de Nantes, il me semble. Nous, on ne s'est jamais posé la question parce que... est-ce que ça nous intéresse vraiment ? Est-ce qu'on se sent légitime à le faire ? Est-ce qu'on a envie d'entamer une démarche ? Peut-être que si on venait nous voir et qu'on nous le proposait, on dirait oui. Mais nous, s'embêter à aller faire la démarche, pour l'instant, c'est pas... Non, dans nos projets, pas, on a déjà beaucoup d'autres choses à faire. Donc, pas spécialement. Voilà, mais du coup, je sais plus si c'était là ou un peu plus loin, mais l'idée peut-être de faire un jour un épisode avec quelqu'un du milieu du cinéma, puisque nous, c'est pas notre cas... par exemple avec un distributeur, je pense notamment par exemple aux gens de Anna Films ou quelque chose comme ça, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais comme à chaque fois, comme on fait beaucoup de préparation, il faut qu'on y réfléchisse, qu'est-ce qu'on ferait comme angle d'approche, quelles questions, voilà, c'est beaucoup de réflexion, nous on réfléchit beaucoup, donc pourquoi pas, franchement ce serait une bonne idée. Et peut-être bien qu'on a aussi sous le coude l'idée de quelqu'un d'autre, également du milieu du cinéma, donc avec une autre approche. Voilà, que peut-être on fera quand, je sais pas encore, parce qu'on n'a pas du tout réfléchi à la question. Si jamais tu nous écoutes, sache que pour l'instant on n'a pas du tout avancé sur le sujet parce qu'on a beaucoup de choses à côté, mais pourquoi pas, franchement on n'est pas fermé à l'idée. Bah, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, tu as tout dit. Alors on peut passer à la question suivante de Indie Cinéma. C'est pour quand la chaîne YouTube? Jamais. Bah, voilà. Non, c'est pas qu'il y ait forcément une aventure qui me tente, YouTube, parce que, bah, mine de rien, je pense que ce serait un travail en plus, ça veut dire peut-être potentiellement afficher nos têtes, j'ai pas envie de me retrouver sur Internet, puis faire un montage vidéo, quoi, du coup, bah, Julie, je pense que ça te prendrait du temps encore plus, que ce serait chronophage. Et en fait, même sans ça, moi, le format podcast me convient parfaitement bien. J'ai pas forcément envie, tout du moins pour l'instant, d'aller creuser du côté de YouTube et de faire des vidéos. Et surtout, bah, comme on l'a dit, le podcast, c'est pas notre activité principale. On a aussi notre vie professionnelle, notre vie privée à côté. Je pense qu'une chaîne YouTube, ça demande encore plus de temps et d'investissement. Et pour l'instant, c'est pas trop dans nos projets, quoi. Ouais, je suis d'accord. Franchement, YouTube, trop de contraintes. Même si on se disait, tiens, on veut pas montrer nos visages et on fait comme Cinéscope, en fait, non, franchement, YouTube, c'est trop compliqué. Faire du montage vidéo, c'est long. T'as envie de faire un truc un peu chiadé, donc tu peux pas faire le même rythme que ce qu'on l'on fait aujourd'hui. Et en plus, ce serait compliqué à cause des droits, parce que... à une période, nos épisodes, je les faisais aussi en format YouTube pour qu'ils arrivent sur YouTube, en me disant peut-être que par YouTube, des gens viendront nous écouter. Il y en a eu genre 2-3. Mais en fait, les films et T-Series et tout ça pour les musiques sont hyper au taquet. Et en fait, les vidéos se sont fait très vite striker et éjecter ou à public restreint. Là où en termes de podcast, on n'a aucune limite. Donc ça, c'est vraiment facile. YouTube, ce serait trop la galère. On en chierait un max. Franchement, aucun intérêt pour nous. Ensuite, Mila... Alors, je ne sais pas si à chaque fois, il faut dire Mila Sven ou Mila Sven ou Mila Seven. Bref, on sait que c'est toi, Steven. Est-il prévu d'avoir un profil Letterboxd, par exemple, pour lister les films chroniqués sans forcément les noter ? Alors, dois-je vous parler de la tentative avortée du compte Sens Critique ? Attends, je crois que Mélanie, elle n'est pas au courant. Quoi ? Non, je suis pas au courant. Oh, je pense que t'as oublié. Bon, comme si j'oubliais les choses. À une période où je me faisais un peu chier dans mon dernier taf, je m'étais dit, oh, et si je faisais un compte Sens Critique sur lequel je vais mettre tous les films qu'on a fait en épisode ? Et Julie, avec son syndrome de la bonne élève, s'est dit « Oui, à chaque fois, je vais mettre une note plus un commentaire. C'est trop long. C'est très... Ça prend du temps. » Et du coup, je sais même pas combien j'en ai fait. Je trouve que j'en ai fait 15, alors qu'on est arrivé à 140. Et donc, ça a été un truc totalement avorté. Mais en soi, les lister, juste les lister, finalement, sans les noter, sans les commenter, pour que vous puissiez suivre ce qu'on a fait ou pas fait, pourquoi pas. Faut dire que nous aussi, on s'était dit qu'à un moment donné, vous seriez perdus, parce qu'on a volontairement choisi, dans le titre des épisodes, de faire des Bollywood versus quelque chose, parce que l'idée, c'était d'attirer un public qui ne connaît pas le cinéma indien. Si t'arrives et que d'un seul coup, tu vois un épisode qui s'appelle « Om Dilde Choke Sanam », clairement, il n'y a personne qui va dessus. Hein. Tu te dis « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est tellement parlant, pourtant. Alors que de dire bah, « tu fais un Bollywood versus Pirates des Caraïbes », là, c'est bon. Tu te dis « quelqu'un se tient, ah, ou Mission Impossible, ah, ça me parle, allez, je vois de quel type de film ça va être, je vais là-dedans. » Mais on s'est bien douté qu'à un moment donné, des fois, vous étiez un peu perdus sur ce qu'on fait ou pas en termes de film. Donc, de temps en temps, sur les réseaux, on met des postes qui relistent en fait les films que l'on a fait. Mais je peux comprendre qu'une liste telle quelle sur quelque chose d'aussi courant et plus démocratisé que Letterboxd, ça pourrait aider. Donc pourquoi pas à l'occasion. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Surtout que c'est déjà arrivé que des personnes nous demandent « Ah mais vous avez fait tel ou tel film ou pas ?» Donc je pense que ça peut être bien. Et alors pour finir avec la dernière question de cette catégorie, Sam Christopher Nolan won two Oscars qui nous demande « C'est possible d'avoir une interview de SRK dans le podcast ?» Alors j'aimerais beaucoup. Alors hein, une interview piquée de YouTube, oui. Voilà. Une exclue. Je pense que Mélanie aura fait un AVC d'abord. Oui, alors je me retrouve face au King Khan. Oui, forcément je m'évanouis. Ou alors je glousse comme une adolescente en mode Hello Charouk. Voilà, et je serais incapable de dire quoi que ce soit parce que la Mélanie, elle aurait son meilleur anglais. Oh, you Charouk, very good actor. You are my favorite. Will you marry me, please? I love you. Give me your t-shirt. And your slip. Oh non, pardon, oula, oula. You and me, Darde Disco. You know, hein? You, me, in a bed, there, yes, yes. Hein? Non, oh là là là. Ah, bah, ça dérape, ça dérape. Hein. Non, oui, mais c'est impossible. C'est impossible, mais j'aimerais beaucoup. Mais en même temps, je m'évanouirais. Donc, dans tous les cas, c'est impossible. Et de toute façon, voilà, on peut toujours essayer de le contacter sur Insta. On lui dit « Coucou, voilà, on est un petit podcast en France. On adore parler de Bollywood. Tu répondrais pas à une interview, s'il te plaît ?» Non, ça ne passerait pas. En fait, il est vrai que là-dessus, on n'est pas très proactif. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a un syndrome de l'imposteur où on se dit « Bah, attendez, on est personne. Hein. » On a un petit podcast de rien du tout, je sais pas comment on pourrait s'en sortir. Franchement, s'il fallait faire des paris, parier sur Asma et Elodie. Elles vont à Cannes, elles arrivent à choper des gens, elles ont des interviews. Elles, j'y crois à mort. Les filles, go. Pensez à nous appeler, on peut se faire une visio si jamais vous avez une interview avec Charouk. Vous posez un petit ordi, une tablette à côté avec nos petites têtes. Mais non, mais non, je mais crois on va pas avec que ce soit... elle, hein. Non, non, on les suit, là, attends, on reste... Non, mais je vois où elle tombe dessus par hasard, elle va pas dire « Attendez, faut qu'elle prenne le train !» Bah si, Charouk nous attend, puis voilà, non mais oh. Elles feront pas « Hi, Tiger !» Elles feront « Hi, Charouk !» Ah là là. On aimerait, mais il y a très peu de chance. Hélas. Et on va pouvoir passer à la dernière catégorie. C'est déjà une FAQ très très longue. Donc la troisième catégorie, c'est cinéma, film et affinité. L'immense star de cinéma, Deepika Padukone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom. Ici, c'est une icône. Elle règne sur Bollywood. Regardez son portrait. Il est signé Lucie Berbet, Jules Pilorge et Abhijit Pandey. Et on retrouve encore une fois Sam Christopher Nolan, One Two Oscars, qui nous demande comment faire pour que le cinéma indien ait plus de place en France. C'est une très bonne question. J'ose croire qu'avec notre petit podcast, à notre échelle, on arrive à faire en sorte que le cinéma indien ait un peu plus de visibilité en France. Mais c'est compliqué, voilà, on vous l'a dit, on n'est pas un gros podcast de façon 2 heures de perdu. Même si on partage des news parfois sur les réseaux sociaux, sur l'actualité du cinéma indien en France, bon déjà il y en a d'autres qui font beaucoup mieux que nous, comme bah, Asma et Elodie. Et en vrai, comment faire? Bah, je sais pas. Le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont un petit peu fermés à ce cinéma, parce que dès que tu dis cinéma indien, t'entends les mêmes clichés habituels. Mais en même temps, bah, quand tu connais pas, forcément, tu peux pas avoir autre chose que des clichés en tête, mais on peut pas non plus prendre le temps de raconter à toutes les personnes qu'on rencontre ce que c'est véritablement le cinéma indien, tout ça, c'est compliqué en fait. Ouais, et je pense que pour l'instant, de toute façon, effectivement, il y a un peu trop d'étroitesse d'esprit pour que ça fonctionne. J'ai envie de dire, regardez le cinéma coréen, alors même qu'aujourd'hui, il est quand même bien plus toléré, où les gens savent que c'est quand même du bon cinéma et tout, je trouve pas qu'il ait tant que ça, vraiment beaucoup de visibilité et de place en France. Je trouve que ça reste quand même très difficile, parce que on est très occidentalo-centré, et surtout très branché cinéma américain et français. Parce que pareil, je sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de films italiens, beaucoup de films allemands, encore que l'Allemagne fait une petite percée, mais voilà, enfin... C'est difficile, il n'y a pas beaucoup de brèches. Donc, voilà, pour qu'il y ait plus de place en France, faudrait que les gens soient ouverts d'esprit, hein, déjà. Ça, c'est pas gagné. Mais après, les distributeurs de cinéma indien en France font quand même un boulot monstrueux. Ouais, eux, ils font un boulot monstrueux. Ils essayent au maximum de faire de la pub, de la com et tout. Mais après, quand ça ne veut pas passer, ça ne veut pas passer. Enfin, je pense que les gens ont du mal. Il va falloir cravacher et puis ramer pour que ça se développe. Mais... Bah, tu vois, enfin, un exemple qui est flagrant, nous en général, quand on va voir un film indien au cinéma, bah, la plupart des gens dans le cinéma, c'est justement des personnes issues de la communauté Desi. Ouais. Nous, on n'en fait pas partie hein, de cette communauté. On n'a pas d'origine indienne ou pakistanaise. Et en général, on est parfois, ça nous est arrivé d'être parfois les deux seules blanches, entre guillemets, dans le cinéma. Et en fait, c'est là que tu as le constat qui se fait aussi, c'est que tu dis, bah, en fait, ouais, les Français, hors des communautés et des îles, bah, sont pas intéressés par ce type de cinéma, quoi. Donc voilà, pas facile. Donc comment faire? Eh bien, persévérez, faites comme nous, agrandissez la secte, soyez persévérants, matraquez-les. Et puis effectivement, je me dis que le podcast peut être une porte d'entrée pour qui est un petit peu curieux. Et voilà, ben, il va falloir qu'on travaille tous. Ensuite, le Butter Chicken Club. Pareil, elles sont géniales. Allez les suivre. C'est des créatrices de fanzines. Et elles ont j'ai notamment leur fanzine sur Triple R que j'adore. Il est trop bien. Dernièrement, elles ont fait celui sur Dune. Je le trouve trop beau. Et donc voilà, allez les soutenir. Elles sont top. Elles nous ont demandé le film qui nous a le plus saoulé à regarder pour le podcast. Et ça va avec la question de Clément Ribert qui nous demande quel est le pire film indien. Alors, Mélanie, voyons, alors... j'hésite entre tous les films de Ranbir. Ah, franchement, il y aurait déjà Kabir Singh. Forcément, ah ouais. Il y a Animal, il y a Sawaria. Il y a Eddie les Mouchkils, il y a eu quoi d'autre? Béfikré, moi, m'avait bien saoulé. Je sais que c'est un film que toi, tu as aimé, mais moi, il m'a gonflé au plus haut point. Il y a eu quoi d'autre? The Archies, c'était très pénible, également. Baval, parce que là, je reprends la liste de tous nos films, parce que savez-vous que des fois, je redécouvre certains films. Je me dis, ah bon, on avait fait ça. Et ça date. Non, mais là, il faut que tu arrives à faire... un choix, Mélanie, vraiment. Celui qui t'a le plus saoulé et celui qui te paraît être le pire. Le pire film indien. Oh my god, mais c'est trop dur ce que vous me demandez. Non, mais dans ceux qui m'ont plus saoulé, je pense que vraiment que ce serait peut-être Kabir Singh et Animal. Mais non, mais il y a aussi... Non, mais c'est Ranbir Kapoor, en fait, qui me saoule, voilà. Attends, je vais contre-attaquer avec d'autres choses. Attends, je reprends ma liste. Attends, vas-y. Pourquoi, pour toi, c'est lequel? Ça se trouve, tu vas me donner une idée. En fait, je réfléchissais. Alors, effectivement, il y a tout cela. Et Mel, assis-toi, faut que je te parle, parce que je vais te faire une confidence. Quelque chose que je ne t'ai jamais avoué. Confidence pour confidence? C'est moi que j'aime, moi que j'aime à travers vous. Vas-y, j'ai trop peur. Tu te souviens que j'ai souffert en regardant Beja Fry? Alors, je rappelle que Beja Fry est donc l'adaptation du Dîner de cons, version indie. Et je dois t'avouer un truc. En fait, je n'ai jamais regardé les 20 dernières minutes du film. Quoi? J'en avais marre. Et je l'ai arrêté. Et j'ai jamais vu les 20 dernières minutes du film. Et quand on a fait l'épisode, je rebondissais sur tes notes où tu me disais « Ah, il se passe ça !» Je faisais « Ouais, ouais, ouais, ouais, vous pourrez écouter l'épisode !» Et j'invente totalement parce que j'ai jamais vu la fin. Quoi? Putain. Je peux te l'avouer aujourd'hui. Mais Julie, mais c'est quoi ce manque de professionnalisme? Et comment t'as pu me cacher ça pendant tout ce temps? Alors attends, Beja Fry, c'était l'épisode 67. On en est à l'épisode 140. Mais... Oh. Je suis désolée. Mais en plus, il était court, ce film. J'en pouvais plus. Vraiment, je vous jure, c'est la seule fois où j'ai pas regardé un film jusqu'au bout. Et je n'ai jamais regardé en accéléré. Mais celui-là, parce que comme de toute façon il reprenait à fond le film d'origine et que je m'étais déjà tapé le film d'origine et que je me faisais chier devant, je me suis dit écoute, ça va être tout pareil, tu vas te reposer, en plus c'est toi qui gérais l'épisode, donc j'avais juste à rebondir sur toutes tes notes. Et je crois qu'il y a même un moment donné où t'essayes de me parler de la fin et tu me fais bah, t'as pas vu ça? Et je suis là et genre j'esquive la question parce que je sais pas de quoi tu me parles. Ça me dit quelque chose, ça. Et voilà, donc je pense que bah, oh, il fallait que je vous avoue que sûrement celui qui m'a le plus saoulé, c'est Beja Fry. Tu te sens trahi? Attends, j'ai bugué. Alors, je vous jure, j'étais pas au courant. Ma réaction est vraiment naturelle là. Putain, mais meuf! Trahison. Ah, disgrâce. Ah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Alors que moi, Béficré, je me suis emmerdée. Mais de ouf, mais moi au moins je l'ai regardé jusqu'au bout. Mais après en vrai... Mais en accéléré, fais comme moi. Après en vrai, pendant longtemps j'avais complètement oublié, hein, parce que ce film de toute façon m'avait tellement pas marqué que j'avais pas que ça à faire de repenser à Beja Fry. Mais en regardant la question, je réfléchissais et d'un coup j'ai fait « Putain, mais c'est vrai qu'en fait j'ai jamais regardé les 20 dernières minutes de Beja Fry et je l'ai jamais dit à Mélanie. » Waouh, alors là... Après, dans les pires films indiens... Attends, je m'en suis pas remise là encore. Ah, pardon. Mais comment t'as pu me faire ça, Julie? J'aimerais relancer quand même le dé sur l'existence quand même d'Adipurush, parce que... Avez-vous vu Adipurush? Mais en vrai, c'est marrant que t'en parles, parce que je sais plus si je t'en ai parlé. Attends, oui, c'était quand je cherchais un film à regarder, je crois, il y a 2 semaines. Et j'étais sur Intouzan et je vois Adipurush. Je me dis, putain, c'est vrai que ce film existe et que je ne l'ai pas vu. Mais parce que le trailer m'avait suffi. Oh la vache, il est tard. Et en fait, je clique sur le film et je me dis, tiens, je vais regarder des passages au hasard. Et à chaque fois que je tombais sur un passage, c'était moche. Mais parce que le film est moche. J'ai jamais vu un film aussi laid de toute ma vie. On dirait un vieux téléfilm de Gulli qui date des années 80, quoi. En vrai, il est pas très loin d'Abracadabra. Ah ouais, c'est laid. Parce qu'en fait, je me dis même que... Tu te rappelles dans Abracadabra, l'espèce de tête violette trop chum avec ses ailes? Eh ben, c'est sur ça que vole Saïf dans Adipurush. Oui. Mais non, ça ressemble au monstre de Scooby-Doo, je t'avais dit. Du premier film Scooby-Doo, qui date d'il y a 20 ans. Non, ça c'est horrible comme film. Adi Pourouche, il a une belle palme hein, quand même. Ah. Mais en fait, je crois que le pire film indien actuellement, c'est Ramsey Too. Ah, oh, c'est ce que je voulais te dire. Alors, Ramsey Too, on n'en a pas fait d'épisode, mais on en a déjà parlé de toute façon plusieurs reprises. C'est l'histoire d'Akshay qui est archéologue et qui va en expédition avec Jacqueline pour prouver un truc complètement débile. Et en fait, on l'avait regardé le soir du Nouvel An 2022, je crois. Et en fait, moi là-bas, j'étais en mode « Oh, ce serait trop bien qu'on fasse un Bollywood versus Indiana Jones » parce que j'adore Indiana Jones. Et en fait, on l'a vu et on s'est dit « Non, c'est pas possible. » Parce que si on doit en faire un épisode, ça veut dire qu'il faut le revoir. Et psychologiquement parlant, on n'est pas prête. On n'est toujours pas prête. Et non, un autre film que j'ai détesté aussi, c'est « Thank You ». Toujours avec Akshay d'ailleurs. Et avec, je crois, il y a Sonam Kapoor et Irfan Khan. Et c'est un film qui était extrêmement problématique sur les relations hommes-femmes et que j'ai détesté. Et voilà, plus les films de Ranbir Kapoor, hein, bien sûr. Ok, alors parlons de choses agréables. Idi Cinema nous demande quel est le meilleur film de SRK selon vous. Et j'arrive pas à choisir. Mais moi non plus. Je me suis fait une shortlist de 4. C'est le maximum que j'ai réussi. J'hésite entre... Évidemment, Devdas. Ouais. Homme Chantillaume. Ah. Fan. Ouais. Et toi, tu l'as pas vu, Ashoka. Ah oui, je l'ai pas vu, Ashoka, ça, avec Karena. Ouais. Mm. Et je suis en mode... Raé, c'est bien aussi, puis... Non, Mélanie, on a dit le meilleur film, pas celui où on a envie de se le faire. Ah, pardon. C'est une autre catégorie. Il est bien Raes en vrai comme film. Oui, il est bien. Sans parler moi, du bien. Physique de Shah Rukh. Oui, oui. Non, mais c'est impossible de choisir. Alors, moi, j'éliminerais Devdas. Parce que, ah oui, je dois vous avouer quelque chose. Devdas, je l'aime bien, mais sans plus, ok. C'est pas un film que j'ai forcément envie de revoir. Voilà. La foule est choquée, déçue. Ouais, termine Béja Fry, toi, et puis on pourra reparler. Alors, qu'est-ce que tu as mis, toi? Mais je peux pas. En fait... Le truc, c'est que un de mes films chouchous du cinéma indien, c'est avec Shah Rukh, c'est Ramne Bada di Jodi. Mais je suis bien consciente que quelque part, c'est loin d'être son meilleur film et son meilleur rôle. Mais je m'attendais à ce que tu dises Didier LG, peut-être. Ah, mais j'allais le dire aussi. J'adore Didier LG aussi. C'est... Ah, j'ai envie de revoir Didier LG. Et je peux pas choisir. C'est impossible. Franchement, donc Indie Cinéma qui nous a posé cette question, moi je trouve que c'est une question qui est extrêmement cruelle et extrêmement sadique. C'est comme si on me demandait de choisir entre mon papa et ma maman. Attends, c'est pas la pire question qu'on a, il faut qu'on avance, il y en a une, on va vraiment décéder. Donc, mais après, meilleur film, ça dépend sous quel angle on le prend. Est-ce que c'est le meilleur film parce que c'est sa meilleure performance ou est-ce que c'est juste globalement le meilleur film dans sa filmo? Moi j'aurais tendance à restreindre sur... Moi, Fan, j'aime bien sa performance quand même. Elle est balèze dans son double rôle. Mais après, il est aussi en double rôle sur Homme Chantillaume. Et globalement, le film est une merveille, plus un hommage au cinéma indien. Donc peut-être que je vais partir sur Homme Chantillaume. Vas-y, ok, allons-y. Et puis en plus, il y a Deepika dedans. Alors voilà. Voilà. Et donc la question va encore plus se corser, puisqu'on arrive avec Sima Moon, auteur, et puis Indie Cinéma encore, qui nous demande du coup, c'est quoi notre Bollywood préféré? Et est-ce qu'on peut même faire un top 3 des films indie favoris? Et alors là aussi, c'est vraiment pour m'achever, parce que je suis pas une meuf qui fait des tops. Vraiment pas. J'arrive pas du tout. J'aime pas ça. Je suis pas quelqu'un qui est obsessionnel sur tel ou tel truc. J'aime beaucoup de choses. Et en fait, faire un top, c'est difficile parce que. Il y a des films que j'ai pas spécialement envie de revoir, mais qui m'ont laissé un impact de fou, et qui pour moi sont vraiment des très bons films que j'adore, que je recommanderais toujours. Et de l'autre côté, il y a ceux que j'aime bien revoir. Et du coup, j'ai pas de favoris, c'est pas facile. Vous me demandez de choisir entre mes enfants, là, c'est compliqué. Oh. Et choisir un Bollywood ou un top 3, oh là là. Bon, Mélanie, je sais qu'il y a Ramne Bada di Jodi. C'est vrai, c'est un film chouchou. Voilà. Après... j'avais beaucoup aimé Gangubai, Katia Vadi aussi. Et il y a des films aussi pareils comme Pink qui te marquent à mort parce que le sujet il est hyper important, qu'il faut en parler, et que même si c'est pas un film que j'ai envie de revoir, c'est marquant et voilà. Mais non, je voilà. Ça va, t'en as déjà 2 sur 3. Attends. Bon, moi, dedans, je vais quand même être obligée de mettre Tugs of Indostan. Parce que, voilà, c'est un de mes films doudou favoris. Parce que, voilà, c'est un peu historique, il y a des pirates, j'adore la musique qui est dedans, il y a Amir, il y a Amitabh, il y a même Katrina que j'aime bien dans son rôle. Vraiment, j'adore le revoir à Noël, tout ça. C'est mon petit côté régressif. Voilà, je pense qu'il y aura toujours Tugs of Indostan dedans. Et après... J'avais beaucoup aimé Mangal Pandey aussi. Ouais, mais en vrai, j'ai du mal, parce que pareil, dans ceux que j'aime bien revoir, bah, il y a Rangoon, alors que putain, c'est un film de propagande à mort, qui est nationaliste à mort. Ah ouais. Mais j'adore le film, l'ambiance, l'hommage à Fearless Nadia. Je trouve que Kangana et Shahid fonctionnent très bien, je les trouve très bons dedans. Donc j'aime beaucoup Rangoon aussi. J'ai repensé à Elaro. J'adore Elaro, ça fait aussi partie de mes films un peu chouchou, que j'aime bien revoir. Mais voilà, c'est vrai que dans d'autres registres, bah, t'as Pink, il y a Onda Doon aussi qui est génialissime. Voilà, donc. Puis j'aime tous les bandes salies, c'est pas facile, c'est dur, ok. Il y a Happy New Year aussi. Ouais. Voilà, donc je vous en ai donné quelques-uns. Voilà, c'est pas un top. On peut pas faire mieux, là. Je vous fais un top 10, voilà. Et en plus, là, ça va être pire, parce qu'il y a Hugo Lecky qui nous dit quelle est la performance d'acteur et d'actrice qui vous a le plus marqué. Idem pour une scène de film. Alors moi, pour une scène de film, j'ai repensé à la fin de Padmavat. Voilà. Évidemment, évidemment. Avec cette musique. Alors, même si le feu est très moche et très mal fait... Cette scène, je trouve, est très marquante. Bon, il y a la fin de Devdas aussi, mais la scène de fin de Padmavat, elle a un truc... rien d'en parler, j'ai des frissons limite, mais elle a un truc tellement grandiose avec cette musique incroyable et Deepika qui est incroyable aussi. Et... Ah, c'est la tragédie dans toute sa splendeur. Moi, pareil, pareil, encore une fois, j'ai fait une liste longue comme mon bras, mais dans les tout premiers que j'ai notés, ouais, j'ai marqué... Ranissa, donc la fin de Padmavat, et la fin de Devdas, c'est vraiment c'est impactant. En plus, la fin de Devdas, bah, c'est la première que j'ai vue, c'est celle qui m'a lancée dans l'amour du cinéma indien, donc évidemment ça fait partie des scènes qui m'ont le plus marquée, mais j'en ai plein d'autres à citer. Alors, alors pour la performance d'acteur ou d'actrice qui vous a le plus marqué, bah, moi j'ai adoré Alia Bhatt dans Kanku Bhai, voilà. Ranveer dans Padmavat aussi, justement, enfin Ranveer de toute façon c'est un acteur que j'adore. Ben, y a Amir aussi dans Lal Singh Chadda. Ben moi, j'ai pensé à Amir dans Piqué. Ah, et dans Piqué aussi. Et... En fait, ce qui est difficile, c'est que quand t'es avec des grands acteurs, des grandes actrices, ils te délivrent toujours des performances. Donc finalement, je suis partie un peu à l'opposé. Je me suis dit, une performance qui m'a marquée parce qu'elle était inattendue, ben, j'ai pensé à Sonam Kapoor dans Nirja. Oh, c'est vrai. Parce qu'elle m'avait époustouflée et le film m'avait coupé le souffle. Et je pense qu'il fait partie des films aussi qui m'ont le plus marqué. Et je me suis dit, je vais peut-être penser à Sonam dans Nirja parce que c'était inattendu. Et pour moi, elle a délivré sa meilleure performance. Nirja était un film incroyable, ouais, je suis d'accord. J'ai pensé à Shahid aussi dans Utta Punjab. Ah ouais, j'y avais pensé aussi, c'est vrai. Il était vraiment très très bon. Bah, je continue dans ma liste. J'ai pensé aussi à... alors, tu l'as pas vu, mais j'ai pensé à Vicky Kaushal dans Raman Raghav 2.0 parce que je trouve qu'il a jamais eu l'air autant terrifiant dans un film, alors que c'est vraiment... Le mec a toujours une tête un peu pipou, tout ça, tout mignon. Et dans ce film-là, je le trouve en glaçant et... Il y a un truc malsain en lui et tout, c'est... Mais du coup, c'est une très bonne performance. Récemment, avec 12 Fail, j'ai pensé à Vikrant Massey, qui est génial aussi. Et si, dans les performances incroyables, et tu l'as pas vu non plus, mais c'est Ritik dans Guzarish, que je trouve exceptionnel. Donc voilà, si je devais choisir, je pensais à Sonam dans Nirja ou à Ritik dans Guzarish. Ah si, à Rajkumar Rao dans Badaido, la scène où il fait son coming out, que j'avais trouvé La scène, elle est très belle, très émouvante et tout. Et dans Judgmental Ekia, je me souviens jamais de l'un des mots, il était très bon aussi. Ouais. En scène marquante aussi, si je devais citer un film plus ancien, dans les années 50, je pense à Raj Kapoor dans Avara. C'est un très très bon film, j'espère qu'on le fera à l'occasion. Mais voilà, je trouve qu'il délivre une très belle performance aussi dedans. Voilà, est-ce que ça vous aide? Parce que vraiment, on ne fait que des listes à chaque fois. On continue. Acteur et actrice préférée, avec argumentaire. Ah oui, alors, merci, hein. Je crois que c'est Elodie qui nous met en mode avec argumentaire. Bah, genre, meuf, on ne donne jamais d'arguments. Et Marge Sab aussi, de 89, nous avait posé la question. Alors, Mélanie, y aurait-il Shahrukh et Deepika là-dedans? Alors, non, moi je dirais qu'il y a Tiger Shroff. Ajay Devgan et Ranbir Kapoor. T'as mis que des hommes, ouais, t'aurais pu mettre Katrina aussi. Ah oui, bah Katrina, puis Sonam dans Kupsura, Tessa Waria, pareil, des performances. Non, alors bien évidemment qu'il y a Shah Rukh. Alors vous allez me dire, ah mais Mélanie, attends, c'est tellement cliché de choisir Shah Rukh Khan comme acteur préféré quand t'es fan de cinéma indie. Oui, et alors? C'est Shah Rukh, voilà, c'est le King Khan. Je crois que tout le monde a mis le King Khan. C'est obligé que ce soit lui. C'est... Voilà, de toute façon, Shah Rukh, c'est un crush éternel en plus. Donc, histoire voilà. Histoire éternelle. Et alors, comment on peut délivrer un argumentaire à propos de Shah Rukh? Je sais pas, suffit de le regarder jouer. Il est incroyable, cet acteur. Bon, déjà, il est à fois fort charmant. Et c'est un très bon acteur qui peut se glisser dans n'importe quel genre de rôle. Que moi je trouvais excellent et tout, puis enfin il est parti de rien comme gars, c'est pas du tout un époquide et pourtant il s'est hissé au sommet, donc moi je trouve qu'il a eu une carrière fulgurante et absolument impressionnante et je l'adore trop. Et sinon il y aurait Aamir Khan que je kiffe de plus en plus. Je le kiffais déjà avant, mais alors l'année dernière quand on a fait Dangal et Last Singh Chadha, je l'aimais encore plus. En plus c'est un gars qui a l'air tellement gentil, je trouve il est trop poupi, vraiment j'adore Aamir Khan. Et Ranveer Singh, qui pareil a l'air tellement gentil aussi et qui peut se glisser dans n'importe quelle sorte de rôle. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le voir dans Don, parce qu'il succède quand même à Amitabh Bachchan et à Shah Rukh, et ça c'est top. Puis j'adore Amitabh Bachchan aussi, hein, bien sûr. C'est... T'as dit Shah Rukh et il y a une de tes chattes là, elle en peut plus. Chut, basse tête, chut. Oui, on va regarder un film avec Shah Rukh après, t'inquiète pas ma chérie. Et actrice? Ah, oh, au hasard Deepika Padukone, hein. Non, c'est une actrice que sur laquelle j'ai crushé direct quand j'ai découvert dans Happy New Year et que en plus enfin elle s'engage aussi, elle s'est engagée quand elle a fait Chapak notamment. Je la trouve incroyable, elle est magnifique, c'est une très bonne actrice, une très bonne danseuse. Elle a un sourire à tomber, puis elle a l'air tellement gentille aussi, tellement adorable. J'adore le couple qu'elle forme avec Ranveer. Et j'aime beaucoup Kajol aussi. Elle a une petite bouille trop adorable. J'adore quand elle fait ses petites mimiques un petit peu fofolle. Je sais que toi t'aimes pas trop quand elle fait trop sa fofolle, genre comme dans la famille indienne. Mais je suis pas une grande fan de Kajol. Hein. Voilà, moi j'aime bien Kajol. Je trouve qu'elle a beaucoup d'alchimie avec Shah Rukh quand ils jouent ensemble. Ah oui, justement, son âge d'or, c'est les années 90 et c'est ouais, voilà. La décennie que j'aime le moins. Donc, Mais voilà. Voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup aussi. Pareil pour Rani Mukherjee, que j'aimerais. C'est des actrices que j'aimerais revoir un petit peu plus sur le devant de la scène quand même, puisqu'évidemment, il y a la nouvelle génération. Donc voilà. Anouchka qui m'a épatée. Non mais Mélanie, on va pas faire un glossaire là. Ah mais vous me demandez les acteurs et actrices préférés, je le dis. Voilà, il y a Anouchka, je finis avec Anouchka, voilà, notamment dans Einstein que j'ai adoré aussi, que je trouve, c'est pareil, je trouve que c'est une actrice qui est extrêmement talentueuse et voilà, je suis sûre que j'en oublie d'autres, mais bon, voilà. Tout le panthéon, quoi, quasiment. Bah oui. Mais... En fait, je te rejoins, c'est difficile de choisir des acteurs et actrices préférés parce que ça dépend des époques, parce qu'on voit bien que quand même les acteurs et actrices ont une certaine période et puis ils disparaissent au profit. Bibi Pednekar aussi. Ouais, voilà. Mais même Tapsi Padou, elle est intéressante aussi, tu vois. Voilà. Mais effectivement, bon, forcément, tu penses à Shah Rukh et Aamir, ça, je suis d'accord. Ranveer également. J'aime beaucoup Rani. Voilà, Rani Mukherjee et Deepika, évidemment, et Anouchka, que j'ai très hâte de revoir, parce que bon sang qu'elle est douée et qu'elle ait des bonnes idées pour ses propres productions. Bah attends, elle vient d'accoucher à nouveau, là, hein. On va la laisser se reposer quand même. Mais voilà, c'est difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent, donc choisir en priorité, c'est chaud quand même. Oh, il y a Salman Khan aussi que tu aimes ouais, beaucoup, c'est ça. Julie, je crois. Attends, peut-être qu'on peut mais aussi je pense qu'on a des d'Akshay Kumar. Ouais, mais je pense qu'on a des choix très mainstream parce que bah, globalement, bah, c'est eux les superstars, c'est eux les superstars. Qu'est-ce que tu veux ? On va pas commencer à sortir des trucs de notre chapeau. Évidemment qu'on pourrait citer Madhuri aussi. C'est, ouais. Bah, il y a Vicky Kaushal aussi, il y a Raj Kumar. Ah, Vicky Ouais, Vicky, effectivement, est très talentueux aussi, donc. Ah, mais moi j'ai pas de préféré, je vous l'ai déjà dit, je suis pas monomaniaque, j'arrive pas à choisir. Ça va, ça vient, ça dépend de ce qu'ils font. De... Voilà, il y a des moments où je les aime plus, il y a des moments où je les aime moins. C'est pas facile, j'arrive pas à avoir des favoris. Bah ouais, je sais ceux que j'aime pas. Ça, c'est pas trop dur. Ah bon, qui ça? Mais il y en a beaucoup que j'aime et je peux pas choisir entre tous ceux que j'aime. Ouais, bah j'aimais bien Shahid Kapoor aussi, mais en fait, Kabir Singh m'a refroidi à mort, donc c'est mais compliqué. Tu vois, même personnalité à part, en termes de talent, j'aime beaucoup Kangana Ranaut, ah, même si elle est complètement oui. pétée du casque. Mais douée, tu vois, j'attends problème, avec impatience ouais. son film sur Indira Gandhi, Emergency, ouais. déjà parce qu'à mon avis, on va avoir beaucoup de choses à débunker. Mais je la trouve hyper talentueuse et je trouve qu'elle manque un peu à l'écran, même si bon, elle a vrillé tout ça, mais pareil, je trouve que c'est une très bonne actrice. Bah écoutez, on vous a bien avancé dans la tâche. Ensuite, on a Iris Daggerl qui nous demande un conseil pour s'initier au cinéma indien. Est-ce que vous suivez à l'occasion les industries mineures hors Hindi et sud de l'Inde, Bengali, Bhojpuri, Punjabi, suivez-vous le cinéma du sous-continent Pakistan, Népal? Alors, pour le cinéma du sous-continent Pakistan, Népal, pour ma part, non. Est-ce qu'on suit à l'occasion les industries mineures hors indie? Bah, un petit peu. On a fait quelques épisodes sur des films tamoul et telugu et marathi, là, dernièrement. Donc, on avait fait Triple R, Iga, qu'on vous conseille très fortement de voir, n'est pas déjà fait. Puis bien pour Halloween, on avait fait un petit film tamoul absolument extraordinaire qui s'appelait Cinderella. Ah, c'est une pépite, vraiment. Voilà. Mais sinon, oui, enfin, les trois quarts du temps, on se consacre exclusivement au cinéma indie. Et après, un conseil pour s'initier au cinéma indien, nous écouter. Non, je... Bah, du coup, je te rejoins pour tout ce qui est des industries mineures. Peu, on en voit peu, de temps en temps, ouais, on tente des incursions comme ça dans les épisodes, ou même pour notre propre culture. Je parlais tout à l'heure de Joyland avec le Pakistan. J'avais regardé aussi Sajjan Singh Rangroot pour ce qui est du cinéma punjabi. Mais voilà, effectivement, il y a déjà, on l'a dit tout à l'heure, il y a déjà tellement de choses, difficile de se concentrer sur tout. Mais justement, si vous avez des recos dans ce genre d'industrie sur lequel on a moins de maîtrise, vraiment, dites-le nous. Et nous, on ne demande pas mieux que d'aller regarder des pépites, en fait. Et c'est pour ça qu'on avait lancé le podcast. C'est parce que quand tu démarres et que tu as une industrie énorme et tu te dis « mais je ne sais pas du tout par quoi commencer », on s'était dit « nos épisodes, ils sont là pour ça, en fait ». De se dire « tiens, ah, on me dit qu'il y a un film qui ressemble à Mission Impossible, j'adore la franchise ». Je vais aller écouter c'est quoi le nom, et puis comme ça, je vais pouvoir aller regarder Don, et hop, vous découvrez Don. C'était ça notre idée, nous, dans le podcast, c'était de se dire, bah, on va vous dire c'est quel genre de thématique, et comme ça, bah, vous pouvez aller sur tel ou tel film. Parce que sinon, au début, c'est la nébuleuse, hein, c'est une catastrophe. Moi, si je devais donner un autre conseil, ce serait de pas forcément suivre les courants populaires. Parce que quand moi je me suis mise au cinéma indien, et généralement quand vous demandez par exemple aux gens « voilà, je voudrais m'initier, qu'est-ce qu'il faut que je regarde ?» Les gens sortent Virzara, Didi LG, la famille indienne. Attends, Didi LG il est bien. Attends, moi les gars, si j'avais démarré, que j'avais posé cette question, et que vous m'aviez fait regarder ces trois-là, jamais de la vie je serais rentrée dans le cinéma indien. Parce que pas de bol, c'est les films que je n'aime pas. Ça a été la grande époque. Je sais que c'est très nostalgique pour certains, que c'est carrément votre âge d'or, les années 90. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors peut-être que vous, ça a très bien fonctionné sur vous. Mais pour quelqu'un qui débarque, qui ne connaît pas le cinéma indien, vous le faites démarrer par des trucs comme ça, qui sont des purs masala, avec des codes hyper spécifiques, avec du surjeu, avec beaucoup de chansons, ce qui vient donc renforcer le côté « Ah, c'est des comédies musicales !» avec une première partie où en général le mec est un harceleur pour séduire une nana, suivie d'une deuxième partie où il y a tout le monde qui chiale pendant 1h30 supplémentaire. Enfin, c'est chaud quand même pour démarrer. Peut-être qu'il y en a, ça fonctionne, mais alors moi j'aurais fait « Allez, merci !» Salut. Allez, ciao, hein. Ça correspond bien à ce qu'on m'avait dit, c'est mort. Et donc pareil, ouais. Aujourd'hui, quand vous dites aux gens « Ah, je voudrais m'initier », là ils sont en mode « Ouais, regarde KGF, regarde Salar, regarde gros blockbuster, grosse couille, grosse arme et tout ». Et alors encore une fois, j'en fais « Merci, c'est tout pour moi, le virilisme, les mascus, je les connais déjà dans la vraie vie, j'ai pas besoin de les voir au cinéma, ciao !» Vraiment, encore une fois, c'est du cinéma mainstream sur lequel j'ai du mal à accrocher, c'est vraiment pas ce que je préfère. Et on m'aurait dit « Ouais, c'est absolument fou !» Ok, en termes de technique, j'avoue, ça déchire, ça envoie visuellement, mais je pense que j'aurais été un peu mal à l'aise quand même, et que je me serais dit « Ah bon, c'est ça ta référence du cinéma indien, c'est du cinéma... patriarcal, mascu, sexiste », j'aurais fait « Bon, on est en 2024, les gars, donc en fait, je vais m'en passer si c'est ça votre cinéma. » Donc, ne suivez pas forcément les courants populaires. Peut-être que vous pouvez essayer comme ça, mais si ça marche pas, dites-vous que ce n'est pas que ça, heureusement. Et il faut aller creuser ailleurs, même si, quand t'écoutes vraiment, ou quand tu regardes les réseaux... C'est ahurissant comme on t'emprisonne direct en mode faut regarder ça, c'est incroyable, c'est phénoménal, masterclass banger. Et tu dis ouh. En fait, en plus, c'est difficile parce que si jamais t'aimes pas, t'as vraiment l'impression d'être la mauvaise personne, quoi. Celle qui a pas compris, on va te dire ah, t'as pas compris, t'es un peu hautain, tu comprends pas le style, tu comprends pas les codes. Ouh, je trouve ça très oppressant. Et donc, non, ne suivez pas forcément les courants les plus. Voilà, les plus bavards, les plus, qui parlent le plus, qui prennent le plus de place, les courants populaires. Et c'est, peut-être que vous allez aimer autre chose, du cinéma plus indé, du cinéma d'horreur, vraiment d'autres choses. Donc s'initier, dites-vous que c'est comme le cinéma américain. Par exemple, vous pouvez tomber sur Fast and Furious et tu te dis « Putain, c'est de la merde, mais t'inquiète, il y a d'autres choses aussi dans le cinéma américain. » Et le cinéma indien, c'est pareil. Va falloir essayer. Il va falloir détester et il va falloir aimer pour vous dire en fait j'aime plutôt ça, j'aime plutôt ça, j'aime plutôt tel réalisateur. Voilà, c'est pour ça que nous on a vraiment essayé de faire absolument tous les styles de façon très variée pour vous dire normalement quelque part il y a votre bonheur. Voilà. Alors là c'est le moment où on a mal parce que... n'aime pas cette question. Sam nous demande, dites un truc que vous aimez chez Ranbir Kapoor. Un truc que vous aimez chez Ranbir Kapoor. Voilà, je l'ai dit. Moi, j'avais une autre vanne. C'était, dites un truc que vous aimez chez Ranbir Kapoor. Moi, j'aime bien son arbre généalogique. J'aime beaucoup son grand-père. Voilà. Le talent n'est pas forcément héréditaire. En vrai, c'est pas le pire acteur. Non, en vrai, c'est pas le pire, mais bon... Il se débrouille plutôt bien, ça va. Mais non, parce qu'en plus, en vrai, j'aime pas spécialement l'aura qu'il dégage, j'aime pas spécialement sa façon de jouer, j'aime pas ses choix de films. Comment ? Tu n'as pas aimé Animal ? Non, mais l'ensemble de ses choix de films. En plus, c'est vrai qu'à chaque fois... J'aime même pas spécialement sa femme, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, ça va encore. Mais je pense qu'elle est piégée dans une relation toxique, la pauvre, faut l'aider, attends... Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait un film avec Ranbir Kapoor dans le podcast, ça n'allait pas. On a fait Sawaria, on a fait Eddie les Mouchkils, on a fait Brahmastra, et la dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était dans Animal. Donc vraiment, ça a été l'escalade là du... Vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Oui, je sais, Elodie, il faut qu'on regarde Barfi, je sais. Mais je n'ai pas envie. Mais non, mais j'aime pas cet homme, je ne l'aime pas, j'aime pas sa tête. Peut-être que j'aime bien ses fringues, il n'est pas trop mal habillé. Oui, ça va encore. Il danse plutôt bien, ça va. Ça va. Oui, c'est vrai. Ok, j'aime bien ses talents de danse. Ah, et j'allais dire, t'aimes bien son petit cul dans Sawaria. Ça va pas, non ? Ça va... Non. En plus, il a trompé Deepika, excusez-moi, mais non. Ouais, on n'a même pas sa personnalité. Voilà, non, mais cet homme me met mal à l'aise. J'aime pas sa tête, voilà. Il dégage des mauvaises vibes. Puis t'as tout le monde qui est en mode, ouais, la superstar Ranbir Kapoor. Non mais calmez-vous. Ah, y a tout le monde qui lui lèche les bottes, c'est un truc de fou. Il y a des dossiers sur toutes les familles, quoi. Non, on termine. Allez, on redit une dernière fois un truc positif parce que c'était la question. J'aime les talents de danseur de Ranbir Kapoor. Bah, moi aussi. Donc voilà, on a dit un truc positif. Loubloum qui nous pose une question qui m'a bien fait rire. Vous croyez qu'un jour Tiger sexy torse poil pourra être réhabilité si jamais il joue vraiment bien? Alors, Tiger Shroff, on a parlé qu'une seule fois de lui, c'était dans Hero Panty 2, c'était très chiant comme film. Tiger, il est pas désagréable à regarder, ça va. Je pense qu'il pourra être réhabilité si jamais un jour il arrive à jouer. Parce que, vraiment, quand on le regarde, non. Il ne sait pas jouer, ce monsieur. Il était très gentil, mais vraiment, c'est pas un très bon acteur. Donc si jamais un jour il arrive à jouer un petit peu correctement, peut-être qu'il aura le droit d'être réhabilité. Mais en attendant, Tiger, il va falloir bosser sur ton jeu. Il va falloir reprendre des cours de théâtre, je sais pas, demander des conseils à papa. Mais il faut faire quelque chose. Non, mais il a tout mis dans la danse. Mais... Ah, il danse très bien, ça, c'est sûr. Mais bon, faut que l'acting y suive. Et... Moi, j'y crois. Écoutez, j'avoue, je pense que j'ai une petite tendresse pour Tiger Shroff. Je l'ai déjà dit l'autre fois, il y a un truc un peu pipou chez lui. Oui. Il y a un truc good vibes dans son côté. J'essaye, je suis nulle, mais j'essaye. Et en fait, je me dis... Est-ce que quelqu'un lui a donné sa chance, genre dans un drame, dans un film social, dans un truc où il faudrait qu'il ait l'air triste? Parce qu'il ne fait pas trop mal la tête un peu triste, les yeux mouillés, tout ça, tout ça. Mais non, mais Julie, tu peux pas lui demander de jouer dans un drame, parce qu'en général, dans les drames, les gens dansent pas torse nu, tu vois. Donc, mais écoute, c'est une des clauses de ses contrats. Je peux écrire un film pour lui. C'est un danseur. Un danseur qui évacue ses traumas en salle de danse. Peut-être même qu'il va découvrir son homosexualité. Il va faire un coming out. Il le vit mal, alors il s'exprime à travers la danse classique dans une salle de danse. Et il va tomber amoureux de son prof de danse. Attends, sauf que sa famille va le bannir. Et ce sera un drame, ce sera mi-romantique, mi-drame. Et j'y crois. Tiger, je voudrais que tu fasses un film comme ça et que t'aies l'air triste et que tu plisses les yeux pour faire glisser une goutte. Mais j'y crois un peu, si vous, Tigers, non. Allez. Non, mais attends, ton scénario, on dirait une nouvelle saison d'Undo Stress, là. Avouez, vous avez envie de le voir, ce film? Un petit peu. Moi, j'ai un peu. Oui, bah oui. Et faut que tu le vois pas, là, torse nu, avec un petit juste au corps blanc, en train de faire des pointes, en train de regarder... Oh, c'est le professeur qui vient de rentrer dans la salle et là il le regarde avec ses yeux, un peu comme quand il regarde Ritrick dans War, avec des yeux un peu remplis d'amour et de oh, non, je ne devrais pas ressentir ça. Et il serait là et il se mettrait à faire des sauts de biche comme ça dans la salle. Non mais maintenant... J'ai un peu envie de voir ça. Maintenant, déjà, j'ai un peu envie de voir ça. Et j'ai envie que le prof de danse, ce soit Miguel Angel Munoz, tu sais, Roberto dans Undo Stress. Oui. Tu diras que estoy loco, loco, loco, loco. Qui se souvient de cette chanson? Oui. Ah, merci. Mais en plus, comme ça, il pourrait faire plein de grands écarts, de pirouettes. Il y aurait une scène comme ça la nuit où il serait seul dans la rue et il y aurait de la pluie et il se mettrait à danser comme ça pour exprimer sa passion en se disant « Je suis seul et je peux enfin danser librement sans qu'on me juge. » Voilà, j'ai envie de voir ça. Tiger, j'y crois. Oh la vache. Mais écoute, pourquoi pas, peut-être un jour, hein. Mais bon, en attendant, tant qu'il jouera dans des films la guerre, bah ce sera non, il sera jamais réhabilité. Désolé Tiger. Alors Hugo Lecky nous demande quelles sont vos grosses attentes ciné pour les prochaines années. Alors moi j'attends, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'attends avec grande impatience Ranveer Singh dans le nouveau Dawn. Vraiment, depuis qu'ils l'ont annoncé, je suis hyper hypée par ça. J'ai très très envie de voir ce que ça va donner. Et j'ai un petit plaisir coupable où j'attends Brahmastra 2, pareil, pour voir ce que ça va donner. Sinon, je me demande aussi comment Shahrukh va relancer sa carrière, puisque là, il nous a fait 3 films en 2023, donc j'ai un petit peu envie de savoir ce que ce sera la suite. J'ai envie qu'Anushka revienne, parce que voilà, là, ça fait longtemps. Après, j'avoue que j'ai pas trop tendance à suivre les prochains projets qui sont annoncés. Je me tiens pas trop au courant, c'est un de mes défauts, je me tiens pas forcément au courant des dernières news. C'est vrai que je compte plus sur les filles de Bolien & Co, j'avoue. Oui, on suit leur podcast pour le savoir. Voilà. Mais en même temps, je rappelle que moi, je regarde déjà pas des trailers. Qu'est-ce que vous voulez que j'anticipe des sorties de films? Donc vraiment, je te rejoins sur Dawn. Mais sinon, au c'est mieux... C'est pas un film, mais j'attends la série de la prochaine série de Bansali aussi, là. Ah, j'ai peur d'être déçue. Ah non, on peut pas être déçue. J'ai peur d'être déçue parce que la dernière fois qu'il y avait eu une promo pour une série un peu historique, elle avait l'air grave stylée. Ah, j'ai plus le nom en tête. Elle avait l'air grave stylée, et quand j'avais récupéré les épisodes, ça me manquait d'argent. C'était pas aussi joli que la bande-annonce. Et du coup, la série Iramandi, de SLB, j'ai un peu peur. En fait, déjà dans le peu que l'on voit, très clairement, le gars il rentabilise tous ses anciens studios. Hein. C'est tous les décors que l'on connaît. C'est-à-dire que là, le clip qu'on a vu. Le clip que l'on voit là où elles sont toutes en jaune en train de danser, on est clairement sur le set de Bajirao Mastani. Hein. Dans 2 secondes, tu vois Randvir qui passe dans la fontaine et dire oh, « tu es enceinte !» Voilà, c'est les mêmes décors. Et comme on est de nouveau avec des courtisanes, en fait, j'ai peur qu'on se fasse un peu chier, qu'ils se soient pas emmerdés et qu'on se tape tout ce qu'il y a de plus classique chez Sanjelila Bansali et que ce soit vraiment du réchauffé, tu vois. Je suis un peu inquiète, pour être honnête. Écoute, on verra. Ah si, sinon, moi, une de mes attentes, c'est que la grosse vibe des mascus prenne enfin fin, justement, pitié. Parce qu'on n'en peut plus. C'est assez insupportable, et voilà, on espère revoir des films un petit peu moins dans cette vibe. J'espère que Sandeep Redivanga arrête sa carrière, parce que vraiment, ce monsieur, il faut l'arrêter, non, c'est pas possible. Ça c'est mal barré. C'est pas possible. Mais sinon effectivement dans les attentes il y a le Don. Moi aussi je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. On attend toujours il est porté disparu Emergency avec Kangana sur l'histoire d'Indira Gandhi. Et hors cinéma indien mais pas si loin, je suis curieuse de voir, et ce sera pour mon anniversaire, la sortie de Monkey Man avec ce cher Dev Patel qui sort donc le 17 avril. C'est vrai. Et je pense que ce sera pas mal qu'on aille le voir ensemble, ma chère. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et je suis un peu partagée sur ce film dans la mesure où, d'un côté, j'ai l'impression qu'il rend vraiment hommage au cinéma indien et notamment du Sud dans son approche. Y a un côté très Atli et, ma foi, ça rend bien. C'est intéressant. Et c'est sympa si ça plaît à du monde. Et de l'autre, je serais un peu dégoûtée que ce soit lui qui s'attire tous les honneurs en piochant dans du cinéma sud-asiatique, mais que parce que ce soit un mec britannique qui le fasse, les cinémas soient grands ouverts et diffusent le truc à mort, ils disent « Ouais, c'est fantastique, c'est génial, c'est tellement frais, nanana », parce que le mec aura bénéficié de la petite médaille, de la petite vignette British, alors que le même film, dans le même genre, comme Javan, sorti qui vient d'Inde, et en fait, ça n'a pas du tout la même renommée parce que on va te dire, non, c'est du cinéma indien, on s'en balèque. Donc, je suis un peu partagée entre eux, ça peut être cool, et en même temps, pas un côté appropriation culturelle, mais pas très loin. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, malheureusement, que ce soit en mode waouh, mais c'est incroyable, c'est tellement novateur, et que toi, le cinéma indien de l'autre côté, qui sera en mode nous aussi on fait ça depuis longtemps, mais vous nous snobez donc. Écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos questions. Ça nous a fait super plaisir. On était très contentes de recevoir autant de questions. J'avoue que j'avais très peur qu'on n'en reçoive aucune, mais vous avez joué le jeu, donc merci infiniment. On espère que ce petit épisode FAQ vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre un petit peu des choses sur nous, sur la façon dont on travaille, sur le podcast, voilà. Et puis si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent après, vous n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez un message et on y répondra sans souci. Mmh. Tout à fait. Et puis si jamais vous aussi, vous avez envie de voir Tiger Shroff dans un drame oui. amoureux avec Roberto de Undo Stress, n'hésitez pas à nous le dire. Ah oh, Julie, vu que tes doigts montent ta photo, j'ai presque envie que tu ne fasses une fausse affiche là. Je ferai ça pour toi, Mélanie. Ah oh, merci. Et on la publiera après sur les réseaux. Ça, je sais pas. Ah si. Bon, ben écoute, je pense qu'on va se dire au revoir. On va se quitter sur après ce très très long blabla. Et puis on se retrouvera dans 2 semaines pour un nouveau film. Oui. Et puis en attendant, où est-ce qu'on peut nous retrouver, Julie? Et bien sur les réseaux à Bollywood-du-bas versus pour Instagram et à BV-du-bas podcast pour Twitter. Et sinon, on a une adresse mail qui est bollywoodversus@gmail.com. Très bien. Et bien écoutez, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bye. Ciao. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं